Maman! Mesdames, messieurs, bon... Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au premier épisode de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match pré-saison de ce soir. Le numéro 75, Jean-François Crompe. Le numéro 21, David Thibodeau. Le numéro 7, Martin Véraud. Et le numéro 98, Alex Galipeau. Yes! Yes! Hey! We're back, hey, bitch! Bonsoir, messieurs, et re-bienvenue à la soirée du podcast, notre deuxième saison de ce merveilleux podcast sur le hockey. On vous parle du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey avec passion et boisson. Oui. Et surtout de la boisson. Peut-être un petit peu trop de boisson. Non, pas vraiment. Non. Pour ceux qui se joindraient à nous... There's no such thing! Ouais, ça existe pas. Ouais, pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, nous sommes un podcast de... On est divisé en trois périodes de 20 minutes et on jase de hockey. Et on est divisé entre nous-mêmes aussi, là, mais ça, c'est une autre affaire. Ah, mais ça, vous le verrez au cours de la saison... Et au besoin, on va en prolongation et les tirs de barrage sont réservés aux questions des fans. Oh. Messieurs, comment a été votre été? Avez-vous joué au golf? Pratiqué votre bédaine? No golf. No les golf. Pratiqué la bédaine. Les deux, j'ai joué au golf. Pratiqué la bédaine. J'ai joué au golf, parce que je suis le seul qui a joué au golf. Oui. Je te le confirme. C'est le fun, le golf. Ouais. C'est long. Non. Il y a beaucoup de choses à parler dans ce match pré-saison parce que là, présentement, on est le 28 septembre, si je ne me trompe pas. Ça se peut que vous écoutiez ça puis que la saison soit commencée parce qu'il reste seulement quelques jours. Ouais. Présentement, on est comme entre deux. On est entre la pré-saison et la saison officielle. Dernier épisode, la pré-saison est finie, là. Officiellement, ouais, c'est terminé. Si vous n'écoutez pas ça parce que la saison a commencé, c'est parce que vous avez une DeLorean. Oh, nice. Référence geek de même, c'est très bien. C'est plus un, Dave, pour toi. Yes! Plus un. MDR. Ben, il y a beaucoup de choses à parler sur l'ordre du jour. Fait que je pense qu'on va commencer le match immédiatement. Je pensais qu'on allait avoir de la misère à trouver des sujets, finalement, mais la feuille est complètement pleine. Il y a beaucoup de choses à parler, même si le Canadien n'a pas joué encore, à part ses matchs pré-saison. Ben, on a fini la saison avant la Coupe Stanley. Ouais, on a fini. Ouais, on a pas couvert l'été. Là, dans le fond, on parle post-pré-saison. Hey, ça, les boys, ça a été... Post-pré-saison? Post-pré-saison. Ça, c'est dans la saison directe, ça? Mais c'est quoi? Ça, c'est... Ben, c'est parce que post-pré, mon gars. C'est comme... Ouais, mais c'est comme... On vient de passer la pré-saison. Ouais. Ça fait chier, parce que ça aurait été vraiment cool d'aller voir une game en... Tu sais, la soirée du podcast. Ouais, ça aurait été cool. Enfin, au pire, à grosse limite, si j'ai des preneurs, j'ai comme 3 billets. Ça. Oh! Really? Autant, tu drops ça de même pendant le début du podcast. Ben, tu sais, on pourrait peut-être checker ça. Là. J'ai 3 billets ici. Est-ce qu'on serait live pour un match à un moment donné? On pourrait peut-être aller voir une petite game. Ouais, là, j'ai ça ici, genre une game contre Vancouver au mois de février. Vancouver. C'est un jeudi, boys. Ouais, c'est un jeudi. C'est ce que j'ai trouvé. Mais coudons, ça a l'air que la soirée du podcast va être au Centre Bell en février, mais ça intéresse tellement pas nos auditeurs, ça, qu'on va commencer la partie. Ah, cette bonne vieille cloche. Ben écoutez, dans l'été, souvent, les clubs changent, et ça a été le cas du Canadien. Il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs qui sont arrivés. Parlons tout d'abord des joueurs qui ne sont plus là, commençant par Blake Geoffrion qui a pris sa retraite. Bon. Alors, retraite obligée. Ben, retraite mettons obligée. Que qui? Ça... Le petit ben, c'est le gars qui a joué genre à Hamilton ouais, puis, 4-5 games. Lui, c'était quoi sa feature? Plus avec le petit-fils de Bumble. Non, parce que c'est pour ça. Là, tout le monde se sent mal. J'ai insulté le petit-fils à Bumble. Pour de vrai, c'est juste ça. Bumble, Bumble d'un sens. Tu sais, je veux dire, Bumble. Respect pour les fantômes du Fort Grand. J'aime Bumble. C'est ça. C'est pas Bumble. C'est ça, exactement. Lui, il a fait Bumble sur le bord de la bande. C'est pour ça qu'il a fait des nouvelles et tout. Là, t'as vu Bumble, là, t'as eu celui qui a inventé le bâton One Piece. Là. Puis là, il est loin. Ouais. Après ça, t'as eu Bumbo, mais ça, c'est un chanson. Non, ça, c'est Bumbo. Non, non, respect à Bumbo. T'as quand même Bumbo dans les pierres à feu. Pour le reste, je trouve ça plate pour lui. C'est, sa carrière, ça a été fait pour n'importe quel jeune. Je dis, Alex, c'est sincère au bout. Ben, c'est vrai, c'est poche parce que son rêve. Alex, c'est quasiment pas à l'arme à l'œil. Il arrive bien sérieux après qu'on ait dit ses niaiseries. C'est ça. Je trouve ça plate pour un jeune. Ben oui, non, c'est vrai que c'est vrai. Que sa carrière se finit de même. Non, ben, une autre carrière. Non, non, mais les gars, blague à part, c'est vrai. Mais il s'est trouvé un poste avec une équipe de la Ligue nationale, je pense, pour faire être recruteur. Il va faire autre chose déjà. Il va être un scout. Recruteur. Je pense qu'il va être un scout ou quelque chose. Recruteur de la région du Saguenay. La région du Saguenay, c'est une belle région. C'est pas bien payé que Brisebois aussi qui va prendre des repas avec les rookies. Deuxième joueur qui est plus là cette année. Puis on parle d'un rachat de contrat et j'aimerais qu'on réserve un petit applaudissement de golf pour Tomáš Cabrera qui est maintenant parti. Caberlé. Ah, on l'avait collé, mais dans l'épisode qui était pour être acheté. Ouais, d'ailleurs, c'est news. Ah, mais c'est ça. Je tiens à dire que pour notre épisode, c'est ma grand-mère l'a collé. Ma grand-mère est morte. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? On a collé la finale et le gagnant de la Coupe Stanley. Donc, bravo à nous pour ce golf tap. On est solide, on est solide. On sait quand même quoi qu'on parle. On a peut-être l'un des pères, mais on sait quoi qu'on parle. Ça se peut que ce soit la seule fois qu'on prédise la finale de la Coupe, mais ça, c'est un détail. Ah, oh, rien, là. Colby Armstrong aussi qui est plus là cette année. Bah ben, ouais. Qui? C'est pas l'air de dire. Pour de vrai, tout le monde s'en fout. Michael Ryder est également parti. Good. Lui, le Canadien est éliminé, puis le lendemain, il était introuvable. L'homme d'un lancé. L'homme d'une game. Genre, moi, je joue juste d'une façon, puis c'est juste. Il fait ses points pareil. Il fait ses points. Sur papier, il fait ses points. Il va les faire rien. Mais c'est comme. Non, c'est ça, exact. Là, je veux dire, il fait jamais rien en série, ce gars-là. Avec Boston, quand ils ont gagné la Coupe, ça, on est allé justement chercher un joueur cette année qui performe en série. Mais peut-être que si Michael Rogers c'était pas genre pogné comme. Est-ce qu'il paraît que c'était assez disgracieux, sa relation avec Terrien? Non, mais ça n'est pas. Il a déjà travaillé avec Terrien, je pense. Non, je pense pas, non. Il a checké sur Internet, là. Ça me semble encore. C'est juste Ryder. J'espère que ça a vraiment mal fini. Tu marqué dans Hockey le magazine? C'est la deuxième fois que ça finit mal, Ryder à Montréal. Ouais, mais c'est ça. On se rend compte que ce gars-là... J'espère qu'il n'y aura pas une troisième fois pour lui. Oublie ça, man. Et Ryder va finir dans le KHL. Je suis bien d'accord aussi. Tout un wrist shot pareil. Ryder, c'est comme c'est. Ah ouais, mais il y a un one shot d'un bord de la patinoire. Puis tu arrives du bon bord, à bonne vitesse sur le gars, soit à telle distance, puis le shot va marcher. Non, Ryder, c'est vraiment comme un one trick pony. C'est ça, exact. C'est direct ça. Puis le dernier qui va faire de la peine à nos auditeurs suisses, Yannick Weber, qui est parti aussi. Et là, Weber! Ben, je trouve que c'est bon pour lui. C'est bon pour sa carrière à lui, personnellement. C'est comme Strike. T'sais, pour de vrai, ça a été bon qu'il s'en rende le bon. Ouais. Tu compares avec un joueur, je pense, d'un autre niveau. Là. Ah, ouais, parce que mais je travaille plus de temps. Dans le sens que c'est bon pour sa carrière. Oui, que c'est bon pour sa carrière, il est capitaine. Ben, regarde. Ben, non, mais t'as peu. Notre remplaçant de Strike, si on veut faire la comparaison, ça ne sera pas Weber, ça va être Diaz. Ben oui, puis personnellement, Diaz... Le remplaçant de Strike, le remplaçant de Weber. Non, mais tu sais, je veux dire, si on veut faire une relation... Diaz est aussi bon que Weber, il n'y en a pas. Diaz va être comme... Non, mais Diaz et Weber, c'est le même genre de joueur. Mais Diaz, c'est pas... Diaz, c'est un excellent joueur, mais... Ben, un excellent joueur. C'est un très bon défenseur. Il joue très bien avec son bâton. Ouais. C'est sûr que c'est une bonne chose pour un joueur de hockey de bien jouer avec son bâton. Moi, si je fais avec son bâton... C'est bon joueur. Tu bâtes la bande, mais il contrôle bien la rondelle. C'est comme les joueurs que tu dis, comme lui, il est bon sans la rondelle. OK. Ben, parce que tu peux couper les ondes, hein? Tous tes arguments. Ben, je pense que c'est tout pour les joueurs qui ne sont plus là cette année. À moins que j'en ai oublié, vous autres. Et Greg Patterin, ça? Greg Patterin. Non, il est encore nouveau. Ouais, mais il est descendu. Une prédiction qu'on avait faite, qui ne s'est pas réalisée, c'est Wisniewski. Pas Wisniewski, Drewski. Drewski est encore là cette année. Wisniewski, c'était la lune avant. Il est blessé, il est out. Drewski, de toute façon, on s'en calisse. Il y a un contrat genre de 600 000 par année. Ben, non, mais dans le fond, Douglas Murray police comme venu effacer un peu. Justement, on va embarquer dans les trois nouveaux joueurs qui nous intéressent par qui commencer. Allons-y avec le petit Québécois. Daniel Brière. Comment avez-vous réagi à l'annonce de l'acquisition de Daniel Brière? Moi, je n'étais pas honnêtement enthousiaste à l'idée d'avoir Daniel Brière. Non plus. Mais quand que tu sais que c'est un contrat de 2 ans... Tu te dis, bon, ben, c'est quand même pas si pire. Puis, selon moi, on est allé chercher un joueur que le Canadien a besoin là, comme bientôt. Est-ce que c'est d'un gars qui va être bon dans les séries? Moi, il me faisait penser, tu sais, le gars, bon, je veux venir finir ma carrière à Montréal. Direction, on m'a dit, est-ce que c'est le gars, ça sent-tu le gars qui vient finir sa carrière pour liquider du stock de hockey? C'est facile pour ma famille. Ouais. Non, sa famille reste au New Jersey, pareil, pendant que j'ai marché. Et en début, non, mais j'ai dit au début, quand j'ai entendu la nouvelle, moi, c'est ça que j'ai pensé. Présentement, je le vois jouer, ou tu sais, les matchs préparatoires, ça veut pas dire grand chose, mais je le vois jouer. Je vois comme avec la passion de jouer ça, je pense que. Moi, je pense. Mais là, il est pairé avec Pacioretty. Il a toujours été comme ça, Brière. Ça a tout le temps été un joueur quand même. Okay, passionné. Ouais, c'est un joueur qui aime la game. Mais c'est ça. C'est un bon joueur, il a une bonne vision. Moi, je l'aime, de plus en plus je le vois, plus je l'aime. Moi aussi. Puis, moi, j'étais vraiment, j'étais pas content quand Montréal. Mais j'aimais mieux, aller chercher Brière à 2 ans, 4 millions, qu'à aller chercher un genre Le Cavalier qui cherchait le gros contrat de 5 ans. J'aurais pas grand choix. Puis, sérieusement, là, Brière, là, je suis sûr qu'il va faire de la bonne job à Montréal. Moi, j'étais déçu. Ouais, ben, ça m'a pris mon père pour me, tu sais, genre, pour me ramener, me dire, ben non, Brière, c'est pas un choix si mauvais que ça. Puis, il m'a fait réaliser, j'ai fait, peut-être qu'il a raison. Ben, c'est parce que c'est un bon vétéran, il gagne en série. Non, moi, l'affaire de Brière, c'est que je l'ai jamais pris avant. Mais lui, il disait pas qu'il signerait jamais Montréal à un moment donné, Brière. Il a pas mal des commentaires comme ça. Parce qu'il a signé à Philadelphie pour le même prix. Moi, je pense, je pense que le point important là-dedans, c'est que ce gars-là va nous aider où ce que le Canadien a une grosse lacune. Je pense, je donne un chiffre de même, ça ressemble à ces chiffres-là, mais mettons, en 108 games en série, il y a genre, mettons, 109 points. Ouais. Alors, ouais, il y a plus qu'un exact. Point mais par match en série, ce gars-là. C'est un gars qui est porté à être blessé. Oui, puis c'est encore un autre petit joueur. C'est un petit joueur qui joue gros, puis qui n'a pas peur d'être dans le trafic. Puis non, la philosophie qu'on veut se grossir, on a-tu le droit d'être déçu? C'est correct. On a d'autres qui s'en viennent aussi. Il est fort en arrière du net, ce gars-là. En arrière de la game 2. Non, non, mais pas juste. C'est une passe, une des passes est en arrière du net. Deux passes. Bon, il est fort en arrière du net, puis ça, c'est une affaire qu'on n'est pas bon. C'est sur le long des bandes, man. Puis ça, je pense que ça va nous apporter. Ouais, mais attends un peu, Dave, là. Mais combien de temps? Moi, septembre, octobre, novembre, décembre, ça va être beau. Janvier, février, check. Ouais, le fameux slum de la mi-saison. L'année d'avant, oui. Je veux pas trasher sur Brière. Sérieusement, je veux pas trasher sur Brière. Je pense qu'il vient à Montréal avec les meilleures intentions. Puis je pense qu'il est là pour jouer du hockey. Ben, il est allé, tout le monde en parle. Puis, sérieusement, il a fait son charm factor. Puis il a dit que c'est son rêve de jeunesse de venir à Montréal. Mais moi, je le pensais pas. Je l'ai pas vu à Montréal. Ouais, mais dès l'année qu'il a joué, qu'il a signé avec Philadelphie, pour de vrai, en tant que joueur de hockey, que tu es émergent, que tu peux t'établir. Pour de vrai, t'aurais-tu signé à Montréal dans les années qu'il fallait qu'il revienne? On a long à dire sur Brière. Pour de vrai, là, c'est vraiment en poche. On voit ce qui nous touche, les Québécois. Non, mais sérieusement, pour vrai, là, Brière, Philadelphie, Brière, c'est un mismatch. Là. Ben, pas vraiment, parce qu'ils ont tous des gros joueurs. Ben, non, je suis d'accord avec un peu avec Marc. Moi, j'ai toujours trouvé ça un mismatch. Il fait pas dans les gros, je pense qu'il fait mieux à Montréal. Il fait mieux à Montréal. Il fait mieux à Montréal qu'à Philadelphie parce que Philadelphie, c'est une ligne de dur. Il essaie de jouer la game un peu comme. Ouais, mais avoir un petit gars rapide de même dans une ligne de dur, c'est bon. Non, mais ouais. Ça marchait pas. Il est brillant. Oui, Brière, c'est réputation aujourd'hui. L'année bon passée. Joueur à cause que je joue à Philly. Oui. De bons joueurs. Non, mais vraiment. Parmi les joueurs de la Ligue. Oui. Parmi les joueurs de la Ligue, Brière a la réputation d'être un des gars les plus salauds. Ouais, comme joueur, parce que lui, c'est le petit Chris qui donne le coup de bâton à des genoux. Ouais. C'est correct, ça, gars. Mais en même temps, il a pas nié ça, tout le monde en parle. Non, il dit oui, tu sais, faut faire ta place des fois. Puis quand oui, tu l'as dans ton team, ça, tu t'en calisses. Ben, c'est ça. Quand tu l'as contre toi, ça te fait chier en tabac. Ouais. Je pense qu'on va l'aimer, gars, je veux dire, on vit la même affaire. Nous autres, on a Subban de notre bord, OK? Subban fait chier toute la Ligue nationale. On l'adore dans notre team. Si Subban était dans un autre team, on le détesterait. En plus, que jouer à Montréal, oublie ça. Ça serait hué. Subban change d'équipe, là. Sérieux, je pense que c'est pire que Shara. Subban change d'équipe, là, puis il vient jouer à Montréal. C'est pire que Shara, man. Ah ouais, c'est pire. Prochain Crosby joueur. Crosby se fait à la limite. Là, est-ce qu'on a d'autres choses à le dire? Non, Brière, je pense qu'on a fait l'autre. J'ai quelque chose à ajouter. Tout, il y a vraiment comme là, le teint même d'une Tylenol. Ah, il a l'air de Casper, man. C'est qu'il est blanc bleu, il est blanc crane, man. Toilette crane, c'est blanc. Lui, blanc, il est comme Alex. Il est plus blanc. Non, c'est pas blanc, il est pas un peu soleil. Alex, c'est plus blanc. C'est un tan, man. Ah ouais. Tan, tan. Non. Il a l'air de Casper, man. Il est blanc crane, man. Blanc toilette, man. Blanc. Toi, c'est vert. Après moi, tu le mets devant une fenêtre puis tu fais une radiographie, man, au complet, là. Hey, c'est fou. Mais il a mis l'accent sur son jersey. Oh! Ouais. C'est le premier qui fait ça? Ah, ouais. Fait que. Ah, ouais? Ah, non, t'as peu. Fait que là, ben, je pense. Fait que là, maintenant, c'est plus. Danny Briere. Non, c'est Daniel Briere. C'est revenu. Puis Daniel l'accent, Briere. C'est comme. C'est... Ben, honnêtement, je trouve ça cool. Ça... On va l'aimer. Ça y montre l'attachement. Mais si ce qu'on va l'aimer, c'est produit pas vraiment. Ben, ça, il va se faire huer. Comme n'importe quel. Il va se faire huer. Mais s'il produit pas vraiment beaucoup, il va se faire huer. C'est pas du tout. Pour ouais, dire, c'est... l'équipe va se faire huer, mais je pense pas spécifiquement comme un brise-bois. Ok, mais sérieusement, pour le. Pour le match inaugural du Canadien au Centre Bell, Briere, d'après moi, va être un des plus chaudement applaudis. Je suis sûr et certain, parce qu'il y a un bon camp, quand même. Il est, je pense, à Montréal, il est quand même aimé, c'est un joueur populaire. À Montréal, je pense pas qu'on est si rancunier que ça. On l'est ben, là, ben, c'est, je veux pas qu'on a tout pensé, mais on pensait qu'avec un jeu pour nous autres, on va tout l'appliquer comme. Ben, c'est ça, dans ce sens-là que je veux dire. On était fort pour chialer quand on s'est fait annoncer, ok, Briere vient à Montréal, mais. Quand il va être sa glace le jour du premier match, le 1er octobre contre Maple Leaf, je m'excuse, là, mais t'haïs pas mal plus les Maple Leafs que Briere. Puis Briere, c'est un gars qui va te faire gagner. Puis Briere a plus de chances de faire mal à l'équipe adverse que Ryder, qui est tout le temps comme out. Ryder, comme on l'a dit tantôt, c'est un one-trick pony, c'est un shot. Briere, il va le faire, le shot. Elle y est droit, s'il a le choix, va faire la passe. Puis là, c'est là qu'il y a un gros avantage. Ben, c'est parce que Ryder essayait de jouer comme un genre de playmaker, man, puis c'est comme, wesh, il essayait de faire des genres de moves, des passes, il est pas bon. Mais là, on dit qu'on se rapetisse en prenant un autre joueur petit comme Briere, ben, on s'est aussi grossi en amenant, probablement lui qui va être le représentant du Movember cette année pour le Canadien, George Parros. Ah, mais c'est vrai, man. Et dans chaque revient, il va jouer, mon ouais. Là, mais la moustache, spectaculaire, ma foi. Oh, oui, toute une moustache. Et avant de passer sur le cas de Parros, j'aimerais ramener mon 2 minutes de pénalité pour ce podcast-ci et 2 minutes de pénalité pour Georges Larac. Et ses commentaires sur Twitter sur George Parros. Larac qui a dit « Parros fait plus peur à personne dans la ligue ». Ouais, sauf que lui, il fait des acronymes ou je sais pas quoi. Ouais, je m'excuse, monsieur Georges Larac, là, mais quand t'es rendu que tu vends un juicer à... TVA, la boutique TVA le dimanche, là, tu fais pas fermé. Qui est fermé, ouais, tu fais pas à personne non plus, toi. Hey, Georges. Ouais, mais. Pour le reste, c'est une joke. La dépense, c'est une joke, mais, ce gars-là. À la dépense, c'est Georges. Georges, père, man. Georges, fais ton petit compost à ta co, man. Ok, mais la rac. La rac, pour vrai, là, ok, il y a eu l'air comme épais là-dessus. Damn right. Là, ok, yeah, oui. Mais pour vrai, c'est le dernier gars de la Ligue nationale qui a pogné comme toutes les toffes. Puis je pense que. En tout cas, pas dans le cas de. Non, non, le gars qui s'est suicidé, là. Non, non, mais t'as peu. Non, t'as c'est peu. Pas son nom, il était pas pour Gaugin. Non, non, tout se passe. T'as gros en caisse, là. Ouais, je sais qui se passe. Il jouait pour Phoenix, il s'est pogné contre tous les gros, lui. Mais de toute façon, Larac, là, je veux dire. Il a raison, Larac. Il a raison. Il a raison parce que Parros, c'est pas un finisher. OK? On va se dire tout de suite. Ouais, mais... C'est pas un heavyweight de la Ligue nationale. Ouais, mais oui, là. Tout. Non, maintenant, aujourd'hui, tout, c'est un heavyweight. Parce que les heavyweights du temps, ça existe plus. Alex, tu vas voir. C'est pas un gars. C'est pas un John Scott, man. C'est pas un. John Scott, c'est. Non. Je te dis, Alex, je te dis, là. Parros, là, c'est un gars là, qui se colle sur le gars. Il va pogner par la culotte en dessous, puis il le renverse. Ça, c'est vrai, c'est un lutteur. Ouais, mais je m'en calisse. Il fera pas peur à personne. C'est vrai qu'il fera pas peur à personne. Oui, mais bref, venant de Georges Larac, je m'excuse, c'est zéro crédit parce que lui, il dropait pas. Il demandait au gars. Fait que il a peut-être été. Une chose, Larac, il a été le hot de la Ligue nationale. Il a fait un hat-trick, mais quand il était à Montréal, Crosby, il était pas le hot de la Ligue. Ouais, puis vraiment, moi, je m'excuse, mais quand t'es en fin de carrière, Parros n'a jamais été un hot. Je veux pas nécessairement le hot. Comme un bagarreur, un temps. J'aime mieux des gars comme Bruce. Moi, je suis vraiment pas allumé Parros. T'es pas bandé Parros. Je suis pas bandé Parros. Mais je suis pas bandé Parros. Hey man! Il essaie de faire l'affaire avec Alfred. Il y a personne qui est bandé par Ross. Je vais te dire que c'est un homme avec Georges Larac, il a pas raison. Je vais te dire une affaire là. Il sait t'asseoir, il y a pas personne bandé à Alpern. Il n'y a pas personne qui est demandé par Ross non plus. Mais... Non, mais je veux dire que Larac là, a viré des vrais gars, par exemple, dans sa carrière, pas mal plus que par Ross. Oui, mais à Montréal, il a fait quoi? Tu sais pour dire que par Ross a répondu au tweet. Il a répondu au tweet, puis il a dit, moi, j'engage pas dans la négativité, puis j'embarque pas dans ce tweet-là. Puis il arrête à dire, c'est les médias qui ont tout gonflé ça. Là. J'allais pas dire que Parros, c'est un hostie de bon gars. Ouais. Puis tout ça, c'est un ça bon joueur à avoir. Fighter contre Chris. Non, mais c'est un gars qu'on avait besoin à Montréal, par exemple. À quoi il va servir? Il va servir à une chose. Sérieusement. Qui t'aurait pris à la place de Parros pour grossir l'équipe? T'avais-tu d'autres choix dans ce qui était disponible dans la Ligue? Je pense à la Ligue américaine, il y avait encore plus de gars qui auraient pu faire mal, sérieusement. Il peut pas jouer au hockey au même niveau que Parros. À quoi, Parros? Non, il va juste. On veut pas juste Alex, un fighter, on veut un fighter qui peut jouer sur le 4 trio et faire comme sa job défensive. Alex Parros, là, il veut sur un bord dans ça. C'est pas grave, il est capable de jouer défensif. Parros, il va servir à quoi? Il va servir que quand t'en as besoin, c'est quoi, que tu sais, les gars qui ont pas le goût de dropper, là, dans les autres équipes, il va servir à ça. Il va servir à votre équipe. Il va dropper à place de Pross. Pross est meilleur dans le hockey. On veut plus que ce soit Pross qui drop tout le temps. Pross, parce que c'est le seul qui fait le jeu. C'est pas normal que Pross ait à dropper à chaque crise de combat. Non, mais chaque crise de Pross, Pross, il est trop petit. Genre, mais Pross, c'est un joueur de troisième trio. Il devrait pas être obligé de dropper pour défendre ses collègues. Ouais, mais c'est ça. On a besoin d'un fighter. Je m'en fous qu'il n'est pas bon fighter. Non, je ne sais pas avoir le fighter. Pross est allé chercher un contrat en étant le gars qui a fighté le plus souvent dans la Ligue nationale. Tu sais, il a fighté tous les gars, ils essayent tout. Okay. Non, parce qu'il va faire le back and down. Mais c'est pas lui qui va initier le combat de temps. Mais si on peut l'éviter à se faire back. Ouais, mais Pross, c'est ça. C'est que lui, il démontre l'exemple en se disant « Oui, je vais manger une volée, je prends un risque. » Non, mais on veut pas qu'il mange une volée. Il va se faire blesser. On veut pas qu'il mange une volée. Mais il est meilleur. C'est un joueur d'énergie. Non, c'est pas sa job. Sa job, c'est un joueur de troisième trio. Tu veux Pross qu'il fasse comme Mohan? Qui essaie de jouer au hockey, des mais il est capable de jouer au hockey. On a un joueur d'énergie, man. Un joueur d'énergie. Un foutu de merde dans la tête. On avait un joueur d'énergie puis qui dropait pas Egan. C'était Max Lapierre, puis il dropait pas Egan. C'est pour ça qu'il est parti. Mais. Fait que Pross, c'est un joueur d'énergie. Mais Pross, c'est Lapierre, encore meilleur. Mais Lapierre, là. Pross puis Lapierre, je comparais pas parce que Pross, il est comparé, mais le style de joueur. Mais Pross est même un joueur d'hockey. Ok, les gars, on s'éloigne du sujet principal qui était George Parros. Et on va. Là, je reste drop à chaque fois. Il nous reste 2 minutes à la première période et j'aimerais qu'on parle de la dernière acquisition du Canadien qui est déjà blessé présentement, Douglas Murray. Encore pas les assurances. Out of shape. Out of shape? Ouais, out of shape. Il était pas prêt. Il est pas. C'est pas une. C'est Douglas Murray, ils sont allés le chercher parce que MLN n'est plus là, puis il rentre comme l'hostie de train de minuit, OK? Non, mais parce il bang du monde. Mais c'est, quand je dis que c'est une police assurance, je veux dire que c'est une police qui... Non, parce que je dis comme Drew Risky puis Murray, c'est des polices d'assurance parce qu'ils sont meilleurs que Patterin, Nitterin, ou tu sais, les astinons qu'on veut pas, Thomas. Non, mais il y avait quoi, Patterin, tu sais, Drew Risky est meilleur que Patterin. Puis, tu sais, genre. Patterin, c'est un gars des Bulldogs. Ouais. Ah, moi, mais c'est ça, on va pas monter ces gars-là. C'est pour ça que tu peux payer ces gars-là 600 000 puis les laisser sur le banc, puis les faire jouer de temps en temps. Même là, ils vont être meilleurs que les défenseurs tough que t'aurais dans la Ligue américaine. Tant qu'à avoir des gars comme. Pas des Tin Bowlers. Tant qu'à avoir des gars. Parle de gars tough. On en parlera. Ouais, non, mais qui montent. Mais quand Tenordi. Tenordi, c'est ça. Un gars tough. Mais parce que son bain était tough. Ouais, mais je m'en sac. Tenordi, oh, tu vas lui donner du galon. Le père à Nathan Beaulieu aussi est tough, on y revient. Non, mais pour vrai, là, Douglas Murray, là, il est pas en shape, OK? Puis il est blessé. Puis, là, il est blessé. Puis quand t'es pas en shape, t'es blessé. Là, c'est normal. Puis, ouais. Ça, Mark, c'est des wise words, Mark. Je te l'accorde, Mark. Puis après ça, si t'es blessé, c'est que t'es pas en shape. Douglas Murray, t'es blessé. Mais Douglas Murray est capable de dropper. Il est capable de fesser vraiment fort. C'est pas un aussi bon patineur que Mélène, mais ils sont allés chercher une patch. Il y a Al Gill. Ah! Es-tu capable de faire la pieuvre? Oui. C'est pas Al-Gill. Georges fait la pieuvre de ce temps-ci. T'es voué tout faux. Fait que tu réponds non. J'avais comme ma phrase déjà toute faite. Il y a vraiment un matché dans. C'est pas capable, Steve. Tu recommences d'être non. Non. Tu l'apprends? Mm-hmm. Ok. Ouais! Fais pas la pieuvre? Non. Non. C'est ça. Oh. On revient après pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. Ah, oui, ça oh. débouche une bonne. D'ailleurs, on va revenir sur l'événement du début du podcast. Merci Dave pour les billets. On va clairement aller voir Vancouver, c'est sûr. Ça accroche. Ça accroche. Et sur ce, on débute la deuxième période. iPad 1 avec 4 fois. It's brought to you. Le double tap marche pas, faut t'en fasses 2. Ben, on va... ta main devant le micro, ça marchera pas. Non, mais c'est parce que je le dis de quoi. On dit en commençant que Alexis Yemelin est encore blessé pour le début de la saison. Son genou a toujours pas désenflé, je pense. Je m'ennuie déjà. Ouais. Il sera pas là au début. J'espère qu'il va être revenu rapidement. Mais c'est une saison complète, fait qu'on va le voir. Ouais. Moi, je vais prendre mon trou parce que la dernière saison, j'ai dit qu'il ferait pas une si grosse différence. Puis on a vu que ça faisait une grosse différence. J'avais pas raison. Oui. Si j'ai bien lu, il serait de retour au mois de novembre, probablement, Emeline. Je me suis dit. Emeline, c'est comme quand tu vas à la pêche, là, mais tu vas à la pêche à la dynamite. Boom! La comparaison est bonne. Écoute, on s'ennuie, mais je pense qu'avec le team qu'on a présentement, on est correct. Mais quand on va venir, écoute. C'est sûr, enfin, tu vas un plus. Ok, mais ouais, sérieusement, je veux dire, avec ou sans Emeline. As-tu vraiment des grosses attentes? Ben avec les joueurs qu'on a, on a remplacés, puis on a vu ça dans le futur que c'était pour arriver, je pense qu'avec les joueurs qui sont allés chercher, ça va avoir un moins gros impact que l'année passée. Moi, je juste. Et Yemelin ne sera pas là? Ouais. C'est que genre là, ça va faire une différence, mais je dis juste que ça va faire une moins grosse que différence que l'année passée. Quand il est parti, le team a changé au complet. Ouais, ça a vraiment droppé. Ouais. Là, je pense que cette année, le drop va être moins élevé parce qu'on a Murray qui est blessé, puis Dunwoody devrait amener la robustesse un peu. Je pense justement, on est sur la composition de l'équipe de départ, puis là, il y a des jeunes qui vont monter, puis il y a des jeunes qui descendent aussi. Parlons des jeunes qui montent cette année, assurément. Bonival et Tenordi en partant. Bonival, Tenordi, ce qui est une bonne chose, je pense que Tenordi est prêt. Ben, on a vu l'année passée. Il restera pas toute l'année. Non, je pense qu'il va ressembler. Il n'est pas prêt, mais il s'en vient proche. On a tous. Ça dépend. Ouais, on va le voir comment il va starter dans le jeu de la Ligue nationale. Ben, tu peux pas signer un agent libre comme mettons, tu peux pas signer Murray, OK, puis après ça, le bencher. Puis ça, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que, premièrement, c'est parce que qu'est-ce que ça a l'air aux autres joueurs dans la ligue? Ils signeront plus avec toi quand ils sont agents libres. Parce qu'ils voient qu'il a été signé quelqu'un, puis tu le fais pas jouer, puis tu ramènes à tes jeunes. C'est pas bon pour la réputation de très cher. Je suis d'accord, mais tu parles quand même d'un défenseur d'un million. Ouais, ben c'est pas grave. Si tu veux pas, il compte sa masse salariale, tandis que tu l'as dit, tu renvoies pas, il compte pas. Bouillon, quand il y a signé. Bench, il compte. Bouillon, quand il a signé. C'est une question d'argent. Quand Bouillon a signé à Montréal, il savait que son but. C'était d'être le vétéran. Ouais, mais t'es pas benché. Ouais, mais Bouillon, c'est quelqu'un de stable. Ouais, mais tu peux pas penser que Tenordi, non, mais avec un jeune, avec un jeune comme Tenordi, oui, avec OK, Bouillon, tu dis OK, je t'enlève, puis ça va être quelqu'un d'autre qui va jouer. Tu le faisais jouer quand même, tu le faisais skipper une ou deux games, puis après ça, tu le mettais. Tandis que là, avec Tenordi, s'il joue super bien, mais là, tu vois quoi? Tu vas bencher Murray pendant 10 matchs, puis tu peux pas faire la même affaire avec Tenordi parce qu'il faut qu'il se développe. Fait que tu peux pas bencher Tenordi, fait que si tu étais pour le bencher, mais faut que tu renvoies des mineurs. Fait que c'est pour ça que je dis, avec un jeune, avec Bouillon, OK, mais c'était deux vétérans qui se battaient, c'était Caberly. Ouais, mais en même temps, Là, c'est Tenordi ou Murray. Fait que tu peux pas jeune, tu peux pas bencher le vétéran. Tant tu vas avoir besoin de plus de... Ouais, mais quand Murray revient, c'est pour ça que Murray était engagé. Ouais, mais en même temps, Murray, là, pour vrai, là, tu vas voir comment il joue, tu vas voir comment est-ce qu'il va, puis si tu vois que... Tant qu'à ça, tu vas pas le mais... C'est pourquoi pas? Dis, parce que je veux dire. Parce que c'est un vétéran. Ouais, mais c'est un vétéran. Tu l'as signé, t'es allé le chercher. Ouais, mais c'est un vétéran. Puis contre ta masse. Ouais, mais c'est Alex, un vétéran qui est genre à la fin de pas capable de se trouver un contrôle. Exact. Ouais, dire, il y en a plein. C'était mon point. Murray s'est fait ramasser parce que Pittsburgh n'ont pas voulu, comme, y redonner. Rallonger. Mais il y en a combien de joueurs qui n'ont pas le contrôle? Qui n'ont pas eu le contrôle avant longtemps? Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas un joueur qui a une si grosse importance. Le but. Le point, c'est que tu as signé quelqu'un, mais le point et tout, c'est que le jeune, tu peux, mettons Murray joue mieux, tu peux pas laisser le jeune sur le banc. Fait qu'à un moment donné, on veut pas, tu peux. Le jeune, c'est sûr. Quand ça va c'est une question d'argent, c'est sûr que Tenordi, ça va l'air. C'est sûr que le jeune, tu peux pas laisser. On s'attaque que Tenordi, il va. Bonival, même chose. Parce que là, quand Paris revient. Lui, c'est quasiment sûr qu'il passe pas à Montréal. Lui, il va passer comme 5-6 matchs. Ben, on sait pas, man. Déjà que Paris. Il est dernier, là, quand il a rappelé, là, puis dernier a toffé. Puis sérieusement, là, Bonival. Ah, mais il y a un spot. Paris revient, il joue pas, là, Bonival contre Lily. Ok, ils disent qu'il est blessé, mais il joue pas parce que Paris est là. Qui tu vas bencher? Tu peux bencher. Ah, mais t'as peu. Sérieusement, là, je veux dire, là, sur une scoring sheet, là, ok, Bonival a pas mal plus de chances de te rapporter. Ouais, mais à un moment donné, il y a une question d'argent, c'est pas juste un scoring. Sauf que je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, c'est vrai, tu peux bencher qui, tu peux bencher White. Sauf que je le bencherais, White, mais en même temps, ça donne pas grand-chose de mettre Bournival à la place de White parce qu'il jouera pas assez de minutes pour se développer. Parce que tu mets Bournival où? Ouais, moi, c'est la quatrième que... ligne. Ouais, c'est à cause de sa vitesse. Non, mais il y a un bon jeu défensif. À cause de sa vitesse, il peut créer des affaires avec le quatrième trio. Et que je vais-tu scorer tout le temps? Non, mais il y a une chance de scorer. Mais ça vaut-tu la peine de le faire jouer genre comme 5 à 8 minutes par game? Je pense que oui, c'est ce qu'il a fait dans les derniers matchs préparatoires. Ben, moi, je pense que arriver dans le jeu de la Ligue nationale, quand la saison commence, les défenseurs, tu peux avoir des méchantes belles surprises. Puis, Tim Hardy, peut-être qu'il va être capable de tirer son épingle du jeu. Peut-être qu'il va être. Peut-être pas non plus, mais je dis qu'il mériterait de rester dans la ligue toute l'année. Avec ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, je dirais même, il mérite de rester avec le Canadien pour toujours, là. Mais c'est juste que tu peux pas. Pour toujours. Non, mais tu pour peux toujours. Pas. Pour toujours. Pour toute l'année. Mais tu peux pas. Il est bon, man. C'est un bon avenir. Ah, ben c'est un futur. Non, mais on le veut, Tim Hardy. On veut qu'il devienne bon. On veut qu'il se développe. On se mais je regarde le petit Jane quand mais tu peux. Il va être bon. Ben oui. Tu peux pas le laisser là. Parce que ça va coûter trop cher l'équipe. Tu peux pas montrer ça à travers la ligue que t'as signé quelqu'un agent. Parce que tu veux pas le faire pas jouer. Tu veux pas le brûler non plus, faire jouer dans la Ligue nationale qui a l'air ridicule, qui soit pas prêt, puis tu dis, gars, retourne faire tes classes. L'année passée, ça aurait pu arriver, ça, pas cette année. Ben oui, mais c'est ça. Ben, on verra. Un qui a pas réussi à faire ses classes cette année avec le Canadien, c'est Louis Leblanc. Puis je veux pas qu'on s'étende sur son cas non plus nécessairement longtemps, mais. On va s'étendre un peu. On va le faire pareil. Ben j'aime ça les contradictions. Y a pas de place. Y a pas de place pour Leblanc. Non. Parce que Leblanc, mauvaise attitude, mauvaise. Non, mais il est arrivé, ben, ça fait il est arrivé bien motivé au camp d'entraînement avec une attitude vraiment comme positive. Puis ça n'a pas marché. T'as rien là, sa belle blonde. Là, ouais, ben là, on... Ça, on en parle après. Mais il y a deux, possibilités. Il ouais, faut en parler pareil. Mais non, mais elle, elle aurait quand même dû fermer. Ben, ça. On en parlera après, Alex. Qu'est-ce que tu avais à dire? Il y a deux possibilités sur Louis Leblanc. On peut croire que c'est la direction nous dit qu'effectivement, il n'est pas prêt. Puis l'année à Hamilton, ça lui ferait du bien. Moi, je pense que c'est vrai. Mais en même temps, c'est que où soit, tu sais, c'est pas un choix de la direction présentement, c'est un premier choix de l'ancienne direction. Ben en fait, c'est il n'y a pas eu une bonne attitude l'année passée. C'est semi-vrai. C'est une punition, puis le monde, il veut plus d'avoir c'est semi-vrai l'arrêté. Parce que le Canadien a quand même décidé de continuer avec Trevor Timmins. Puis si tu continues avec Trevor Timmins, ça veut dire que tu continues avec un peu les choix qu'il a fait dans le passé. Ouais, mais parce que pour moi, qu'on on met aux il y a quand même choisi des joueurs qui sont encore avec la Ligue. Ouais, mais c'est parce qu'il a joué pour le Canadien pendant combien, comme 20 matchs. Non, mais j'ai Randy. Connie Worth, qui était coach. Ils ont monté Pierre Gauthier. J'aimerais qu'on ne parle pas de l'air Randy Connie Worth. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'on met autant de. Non, mais c'est parce que Leblanc, c'est genre, c'est un crowd pleaser. Ouais. Dans le fond, ouais. C'est comme on a voulu faire plaisir. C'est québécois. Ouais, pendant qu'on était dans le bas fond, là, on a monté le jeune. Sauf que, ouais, mais il reste au travers de la ligue, Louis Leblanc, je suis pas mal sûr qu'il a été repêché au niveau qu'il devait l'être. Ben, ouais, mais peut-être que Marc Bergeron et Michel Therrien disent que lui, il n'est pas prêt pour la Ligue nationale. Pierre Gauthier et Randy Connie Worth ont décidé que lui, il était prêt puis ils l'ont monté dans le grand. Mais ça, je suis pas en désaccord. Mais c'est à cause de ça qu'on met autant l'attention à ce gars-là. T'sais, peut-être qu'il n'a jamais été prêt pour le monter dans une équipe qui était médiocre et a compté une coupe de le monde, il gueulait son nom, même, dans le centre Bell. Mais pas pendant que quand il était là, pas avant qu'il arrive. Ben, quand il était repêché, on repêchait. Ils l'ont vendu comme la grosse vedette aussi de lui-là. C'est le next big thing. C'est un peu de la peau aux yeux, là, Leblanc. Non, il peut être un bon joueur. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais c'est quoi? Troisième trio. Mais je suis d'accord sur un point, c'est que ce gars-là se fait plus vendre c'est un joueur de troisième trio. Je peux pas dire ça maintenant. Je suis pas capable de dire ça aujourd'hui. Trop jeune encore. Trop jeune, exactement. Il se fait plus vendre par le PR du Canadien qu'un gars comme Galchenyuk. Je m'excuse, mais on parle de deux qualité de joueur complètement différent. Je pense que Galchenyuk a beaucoup plus de potentiel. Classe à part, là, Galchenyuk. Que qui, ça? Galchenyuk. Puis, tu fais la corrélation, genre, entre Galchenyuk et qui, là, ce que... Mais il dit que ça je dis qu'il se fait plus... Je dis qu'il se fait pas que son panier. Non, écoute-moi, ce que je dis, c'est qu'il y a plus d'attention, il y a eu plus de médiatisation puis d'attention sur un gars comme Leblanc quand il s'est fait repêcher qu'un gars comme Galchenyuk. Quand il est rentré dans le club, quand ils l'ont rappelé. Ben oui, mais... Mais parce qu'ils l'ont rappelé, man. C'est tout le problème. S'il l'aurait jamais rappelé, aujourd'hui, on se là, troisième trio. That's it. La saison sera nous dire qui a raison. Le temps le dira, mais ça, je suis pas prêt à dire ça. Le temps, tu parles de le temps à Pittsburgh? Ouais, ouais. Puis là, j'aimerais qu'on tombe un petit peu dans les gossips, justement. Là. Okay. La blonde à Louis Leblanc. Le facile. La superbe joueuse de tennis, Alexandra Wozniak, qui d'ailleurs le commentaire peu élogieux sur Twitter. Non, mais. À bien raison. Je vais le transcrire ici de ses commentaires et je vais vous le lire. Une vraie joke avec la pire excuse pour coter quelqu'un. Vraiment pas un fair shot. Trop de manipulation, super nouvelle organisation. Moi, j'ai juste une chose à dire. Moi, j'ai juste une chose à dire. Sur Twitter ou? Tu t'es rendu à un niveau professionnel. Elle joue au tennis professionnel, d'ailleurs. Elle gagne pas bien. Les émotions plus dessus. Mais, tu vas pas aller aider. Genre, dans ces tweets-là, je vois un petit peu ce que Louis Leblanc dit. Je pense peut-être que Louis Leblanc, peut-être qu'il a dit ça. Tu penses qu'il va te passer un message par sa blonde? Non, mais je veux dire, si c'est que lui, il dit ses frustrations, puis il dit « Asti bébé, Chris, asti l'organisation, hein? » Puis c'est elle, elle a une méchante bonne organisation. Puis là, asti les raisons de mon côté, là, ils m'ont dit ça, si ça n'a aucun rapport. Peut-être. Maudit de bonne raison pour être coté, tu sais, je sais, pire raison. Peut-être, mais tabarnak, garde les chiffres. Moi, je pense qu'il y a un peu de qu'est-ce qu'elle voit, je sais, mais elle a fait l'erreur de poster. Mais je pense qu'il y a des petits commentaires de Leblanc qui se retrouvent là-dedans. On se calisse de ce que Leblanc a fait. Peut-être dans les gossips. Y a-tu eu un couple plus mismatch que ces deux-là? C'est-tu weird comme couple? Elle a la mâchoire en bas, plus mauve que là, on a comme les dents. Non, mais sais-tu quoi, sérieusement? Les joues qui ressortent. Non, mais je vais pas me dire sur elle. Je vais pas me dire sur elle, mais c'est parce qu'en plus, c'est comme. Non, c'est ça, elle chie comme belle. Gilles Bouchard, ça, c'est tout. Non, mais c'est comme. Non, mais sérieux, c'est comme un couple de losers. Sérieux, là. T'sais, lui, il a perdu son poste. Elle, a gagne pas. Il aurait jamais dû avoir son poste. Non, mais. Et tant qu'à être encore dans les gazettes et tout ça, j'ai une nouvelle de fait divers ici. Les Beaulieu plaident coupable pour voie de fait. Ben ouais. Alors, Nathan Beaulieu et son père. Dans un party de famille, ils sont battus contre un beau. Dans un party de famille, ça s'est passé. C'est encore plus. C'est dans un party vraiment qui est invité. C'est pas après ton noix de golf. Non, c'est dans un party dans une maison. Fait que ça veut dire que c'est la famille ou des amis de la famille. Ils se sont pognés avec un autre gars, puis ils se sont battus, puis le gars a porté plainte. C'est Beaulieu, je vais porter plainte. M'en faire de l'argent avec ça. La police est arrivée, ils ont arrêté parce que les gars, ils ont vargé le père et le fils, ils ont vargé jusqu'à quelqu'un. Fait que les gars, il reste 8 minutes en deuxième période et puis il reste un point concernant juste le Canadien. Mais direct. Beaulieu, là, c'est quoi vous feriez avec? Est-ce que vous le traderiez? Ben, pas de suite. Il va remplacer Diaz. Même que ça est plein défensivement, il remplacerait un Diaz. Moi, je verrais pas qu'on l'échangerait là. De toute façon, c'est pas une bonne monnaie d'échange pour l'instant. Ça pourrait le devenir. Il va donner bon, man. Puis s'il devient bon, comme son potentiel se développe, man, il remplace Diaz. Bouillon, Il remplace tellement de défenseurs du Canadien. Il vaut rien là. Mais il y a du potentiel. Ouais, mais ça, mais imagine son potentiel se développe là, dans, mettons, 2-3 ans. Je donnerais encore 2-3 ans. Il a l'air fucké. Il est jeune. Il a l'air fucké un peu, pareil. Ça, il a l'air prétentieux. Oui, c'est ça le menace. Et je pense qu'il n'y a aucune équipe qui le voudrait parce que il a l'air. Moi, je suis pas prêt à dire. Ah non. Moi, je suis sûr que genre Lee Brooms le prendrait. Ah ouais, il y a bien des débuts. Les Panthers, c'était pas bien. J'ai hâte de voir, moi, le développement de Nathan Beaulieu. Mais c'est ça qui est important. Je donnerais encore 2-3 ans. Puis après ça, genre, s'il se développe le potentiel qu'il a présenté, il pourrait remplacer facilement comme 4 défenseurs du Canadien. Je vais parler comme ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quand tu regardes la défense du Canadien, t'en as besoin de ce genre de défenseurs qui vieillissent, puis tu vas avoir besoin de. Tu vas avoir besoin d'aller chercher du. Markov, sa dernière année. Markov, sa dernière année. Oh, ben, Markov. Georges qui prend. Tu sais, je veux dire. Non, Georges va rester. George, il va rester. C'est un rubber man. Ouais, mais moins. Quand il est jeune, il n'y a même pas 30 ans, Georges. Ouais. Il a genre 26. Un défenseur peut t'affiche jusqu'à 40. C'est un défenseur qui en prend en tabarouette. Mais c'est pareil, il peut t'affiche jusqu'à 36, facile. C'est un gars qui est capable d'en prendre. Chichilio, ça t'affiche qu'à 40. Bouillon, il joue encore. Ouais, mais tu sais, Bouillon, la Coupe Stanley. C'était un frappeur, puis tout. Il jouait physique, man. Puis il a t'en fait combien d'années? Frappeur, qu'est-ce qu'on est au hockey ou pas au baseball? Dernier point concernant l'alignement de départ du Canadien pour la saison. Puis je sais qu'on n'aime pas s'en parler, mais Carey Price qui change d'entraîneur cette année. Ça, j'aime pas s'en parler. Son troisième entraîneur, puis il faut en parler encore, mais Stephen White qui... Pas pour de vrai, ça montre pas comme le goaler peut pas s'entendre avec l'entraîneur, ça montre que l'entraîneur d'avant était poche, puis il trouvait pas le moyen de communiquer avec. Très d'accord avec mais est-ce que c'est cette année man? Que Price a choisi son entraîneur ou c'est l'entraîneur d'avant que celui qui choisit? C'est Grou. Fait que là, choisi Grou, dans le fond. White a été imposé à Price. Ouais, Grou, c'était le gars des vidéos qui est arrivé avec Price, il l'a pas choisi. Grou, il l'a choisi comme entraîneur. Ben, moi, je pense que, OK, quand même que tu prends un bon trainer, OK, whatever, là, que tu prends un bon trainer et tout ça, je pense que la game, le trainer, c'est pas lui qui goal sa patinoire. Okay? C'est pas grave, faut que tu saches comme c'est le mind du goaler. Fait qu'il mais c'est ça, c'est rentré dans sa tête. Les goalers, c'est tout Price, des fucking. Okay. Price a tout fait dans le fond, l'entraîneur, ça sert à rien. Pardon? Non, l'entraîneur, il est super bon dans les pratiques. C'est le gars qui. Ok, mais il peut pas l'aider. C'est ta guideline. Il peut pas l'aider. Mais. Oui, il peut l'aider. Oui, il peut l'aider, mais sais-tu quoi? Le résultat final, là, c'est le goaler. Non, non, c'est un goaler. Il fait une différence avec un goaler. Ça, Mark, c'est comme si tu disais... Mais je vais dire la même affaire. L'entraîneur fait vraiment une différence avec un goaler. Oui, mais c'est quand même pas l'entraîneur qui deal avec la pression de la game. C'est pas le goaler qui l'arrête de l'avoir. Non, mais c'est lui qui montre les bonnes techniques. Est-ce qu'il peut l'aider, par exemple? Parce que Carey Price a une technique excellente. Il peut juste l'aider. Mais je veux dire, écoute, gars. Ok, il peut l'aider. Si tu me dis que oui, il peut l'aider, c'est tout ce que je veux savoir. Pas besoin de développer là-dessus. Ben, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Okay. Il peut pas l'aider. C'est pas grave. Attendez, laisse-moi parler. Laisse-moi parler deux minutes, ok? C'est pas ça que tu fais tout le temps. Deux minutes? Il reste comme deux minutes. L'affaire qui arrive, là, c'est que Price, là, ok? Techniquement, c'est un excellent goaler. Techniquement. Oui, exactement. Comme tu as dit, techniquement, c'est le meilleur de la Ligue nationale. Je pense que c'est un des meilleurs. Un des meilleurs, oui. Sur le plan technique, non. Un des meilleurs, sur le plan technique, un des meilleurs. Technique, je le mets dans le top 5. Sur le mental, Price, je le mets dans le top 10. Le 30e. Puis 10e. 10e okay. Bas, là. Puis 10e, 11e, 12e. Facile. OK, 30e, whatever. Ok, c'est parce que sais-tu quoi, le goaler là, je veux dire, il a beau avoir un esti de bon coach, il a beau avoir ici, mais c'est lui qui est fait save sa classe. C'est pas le coach qui est fait, c'est pas le coach des goaler. Bon, ils vont dire utilise ta affaire, ils vont faire genre du vidéo, ils vont checker ta affaire. Mais ça, je suis d'accord. Mais Price, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux oreilles. Ouais, mais un entraîneur, ça peut travailler sur le mental et tout là. Dave, je veux dire là, ok. Dave, je vais dire, admettons, Dave, je vais dire, fais pas ça, t'as l'affaire. Oui, mais toi, là, tu l'as cette manie-là, ok? Tu comprends? Tu l'as cette manie-là. Okay. C'est juste toi qui as le contrôle à la fin. C'est juste toi C'est comme, un boxeur n'a pas besoin d'un entraîneur parce que Chris, quand il punch la gauche, son bras droit va tout le temps descendre. Ouais, mais. Non, mais n'importe quel. Fait que là, tu pourrais dire dans n'importe quel sport. Ouais, mais Alex, attends un peu. Oui, mais l'entraîneur est là pour te montrer que tu fais pas correct. Ouais, mais essayer de l'améliorer. Le mind puis le mental. C'est sûr que la tête a une partie de responsabilité. Ouais, mais c'est du quoi? T'as des goalers qui vont être moins bons techniciens que Price, OK? Qui va être vraiment moins bon technicien que Price. Parle de Thomas. Des genres de goalers à réflexe. Genre Thomas, OK? Mais qui vont être capables de faire le save au bon moment. Est-ce que Price aurait gagné une série avec Price les Blackhawks de Chicago comme Crawford? Des saves miraculeux au bon moment. Est-ce que Price aurait fait la job de Crawford de Chicago? Il pourrait. J'ai une statistique quand même intéressante, les boys, là, que genre j'ai vu cette semaine. Il y a quelqu'un qui a fait une vérification à savoir, dans les gardiens de la Ligue nationale, je ne sais pas si c'était comme l'année passée, là, mais je pense que oui. Les gardiens de la Ligue nationale qui recevaient le plus de lancers puis leur pourcentage d'efficacité, puis Price est dans le top 10 avec la quantité de lancers qu'il reçoit. Ben, il est en top 10. Ça joue. Ça joue. Trois équipes sur 30. Si t'es dans le top 10, tu as une chance de gagner. Ouais, mais OK. Moi, mon point, ce que je veux dire, là, c'est que oui, on a beau changer les trainers de gardiens pour Price, c'est sa dernière chance, OK? Oui, c'est sa dernière chance. Est-ce que c'est sa dernière chance? Non. Whatever, OK. Si c'est sa dernière chance, je pète une coche. OK, mais check Alex, je suis pas en désaccord là-dessus, par exemple. Okay. C'est pas sa dernière chance. Attendez. C'est peut-être pas sa dernière chance, mais il y a quand même de quoi prouver cette année. Si on échange, même, c'est vrai, l'équipe, puis il gagne. Non, on va se mordre. Non, Alex, je suis d'accord là-dessus. Je dis pas que c'est sa dernière chance, je dis juste que cette année, faut quand même qu'il prouve quelque chose. Je veux pas qu'on gagne la coupe. Tu peux en voler une? Ouais, au moins. Les gars, je veux juste finir mon point, Dave. Je veux pas une coupe Stanley. Ah, mais marque ton point, là, c'est parce que ça fait longtemps. On a interrompu tout le temps. Ton point, c'est la demi-période. L'affaire avec Price, là, c'est qu'on a beau changer le trainer, OK, tout ça, on a beau faire toutes les modifications, le dernier qui a le mot final, c'est Price, c'est Daynette. C'est lui. Puis moi, j'y fais confiance. C'est le boss, puis on va voir qu'est-ce qu'il va faire. J'ai confiance en Price. C'est un hostie de bon goaler, mais c'est lui qui va livrer la marchandise. That's it. C'est à voir. OK. C'est bon point, Marc. Il n'y a rien de garanti. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quand on va se dire Price, c'est son année. Price, cette année, il y a de quoi prouver. T'sais, oui, Price peut-être va aller gagner avec une autre équipe, mais qui nous fait perdre. Ouais, mais c'est parce que... Mais il nous a jamais fait perdre. Parce que... Non, il nous fait pas perdre, mais il nous fait pas gagner. Mais c'est parce que... Il faut qu'il vole pas. L'année passée, il n'a pas volé. C'est pas un Niemi, c'est pas un Jonathan Quick, absolument pas. Hey, Rask a volé, il a fait une saison, le calice, là, à temps plein, là, à moitié de saison. Mais c'est quoi? Il a fait la job jusqu'à. Jonathan Quick, pendant 42 matchs, il a fait la job jusqu'à la fin. Price, c'est un hobbit, man. Puis tout comme Rask, si à Montréal, même, il pète ses bâtons, c'est bande parce qu'il est pas capable de jouer. Ouais, mais c'est quoi? Il tombe à terre, après. C'est quoi? C'est l'attitude d'un winner, d'un gars qui veut gagner. C'est pas un winner, c'est un petit Chris. En troisième période, on... Non, j'avoue, c'était dégueulasse, mais le gars, il fight pour gagner. Il est tellement winner que quand il pète son bâton, il Non, parce que ça joue dans la tête des autres joueurs, c'est pas trop relax. Et toi, avec ton asti d'Alac, là. C'est pas vrai, t'as dit ça, là. J'ai pas entendu ce nom-là. J'ai pas dit Alac. Personne n'a dit Alac, Alex. Calme-toi. Personne n'a parlé d'Alac. Alac, là, Alex, je pense que t'inventes des mots, là. T'as entendu Alac, en tout cas. C'est des fantômes du podcast. Je pense que c'est Alex. Excuse-moi. En troisième période, on va revenir sur le nouveau règlement et puis la ligue de hockey en général. On prend une pause et on finit. C'est bon, vous pompez, man! C'est man! On est de retour pour la troisième période. Et on a fini avec le cas du Canadien. On va tomber dans la Ligue nationale en général et on y va avec les nouveaux règlements pour la saison 2013-2014. Ouais, on pourrait facilement passer une autre 20 minutes sur le Canadien et puis j'ai envie de parler. Oui, c'est sûr. Bon. On pourrait revenir sur le cas de Carey Price, mais on fera pas ça. Oh, un autre bien good deal. Ouais, fait que dans les nouveaux règlements cette année, il y a un changement. Un peu. Chin. Au podcast, à notre cette troisième année. Période. Yes, on devrait faire plus que 5 épisodes cette saison-ci, contrairement à la demi-saison de l'année passée. On a commencé tard, ouais, justement, pas d'hockey. On a fait au mois. Là, cette année, on est bimensuel, je tiens à le préciser. Jeff, oui. qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? On boit de la Tremblay. Eh oui, de l'excellent Tremblay. Hey, elle est bonne. En hommage à Mario Tremblay qui fut arrêté pour ivresse au volant récemment. Exactement. T'as dit qu'on était bimensuel. Moi, ça, c'est une affaire que j'aime bien des femmes, c'est qu'ils soient pas bimensuels. On n'a pas que ça arrive. Oh boy. Pour le podcast, juste comme ça marche. Ouais. Si on sortait des sentiers battus, la Tremblay, ça trouve. Elle est bonne en bouche. Elle est pas prête. Elle est bonne en bouche. C'est juste 4.9. La peine de commencer. Ben oui. La peine de commencer. C'est meilleur que la Coors Light. Il n'y a pas grand-chose de... L'eau, c'est meilleur que la Coors Light. Tous les produits Molson sont excellents. Et voilà. Mais il n'y a pas grand-chose de moins bon que la Coors Light. Molson, c'est pour une commandité. C'est pour ça. Molson. Pour la commandite. Molson, tous les produits Molson sont excellents. Dans les nouveaux règlements cette année, les filets sont maintenant réduits d'une dimension de 4 pouces de moins. Tout à fait d'accord. On sait très bien tous que 4 pouces font la différence. Mais pour de vrai, ça fait une différence en arrière du net. Vous avez pas vu? Ben c'est ça, c'est... Moi, je te dis sérieusement, je l'ai pas vu cette affaire-là. En fait, ils sont réduits de où? Ils sont réduits dans le fond. 4 pouces de moins de profondeur, ce qui fait que ça laisse plus d'espace en arrière du net. Ils ont déjà raccourci comme la zone en plus avec l'expansion 2005. Entre la bande et l'intérieur du filet, tu sais, le filet c'est comme fait en genre d'ovale où il y avait les coins ronds. Il va être plus droit, là. Là, il y a plus les coins ronds. Là, on l'instant, il finit vraiment, il est moins profond le filet. C'est plus carré. Fait que t'as vraiment beaucoup plus de place. De plus vraiment pour dire. Chose, ça paraît vraiment. 4 pouces de place. Hey, mais ça paraît vraiment. Hey, ça, le marque, là. Dans le bureau. Ça facilite les rappers. Hein. Ouais, mais non, mais ça facilite les passes à Brière. Hey, Brière va faire des rappers. Excusez, on dit plus Danny Brière. On dit Daniel Brière. Brière. Ça, c'est l'acteur frisé, ça. Hein? C'est le gars qui joue les parents. Ouais, c'est ça. Ok. C'est intéressant. Merci. On va aller au hockey. Non, on a eu sur notre Facebook ce joke-là. Quelqu'un qui a mis la tête de Daniel Brière sur le corps de Daniel Brière. C'est pour ça que je ne l'avais pas catché. C'était même plus que je l'avais pas catché. Je pense à ce que je connais pas trop. J'écoute pas 30 vies, moi. Fait, je sais pas. C'est bon, il joue pas dedans. Ouais. Parfait. Un autre règlement cette année, le chandail dans les culottes est interdit. Fait qu'Ovechkin n'est pas content. Ovechkin a chialé. Qui a commencé ça? C'est Gretzky. Oh! On avait la bonne réponse! Ouais, c'est Gretzky qui rentrait d'un côté. Non, ouais. il rentrait en arrière, mais pas, il laissait pas le protecteur. Il laissait des bordels. Mais c'est peut-être que ça n'existait même pas dans ce temps-là, le protecteur. Mais c'est même pas le protecteur. Savez-vous, c'est quoi l'hypothèse du chandail dans les culottes? Non. Puis qu'on dépense plus. Ça emmenait les publicités. Exactement. Hein? Exactement, c'est qu'on voudrait commencer à afficher peut-être éventuellement plus de publicité sur les chandails. Ouais, comme en Europe, sur les chandails. Ça, c'est casse en bas du nez. Le nom, il est tout petit. Ben oui, il a promis à tous les dirigeants de la Ligue nationale que dans les prochaines années, il était pour rajouter 2 milliards de dollars. À l'antichambre, ils en ont parlé. Ils disent oui, peut-être que ça va arriver, mais comme la NBA, mettons, ils vont mettre des petits logos, pas aussi gros qu'en Europe. Pour commencer. En Europe, comme en Europe, ça serait dégueulasse. Ça surprendrait tout le monde. Si les revenus augmentent, ça veut dire que les revenus des joueurs et tout augmentent, le plafond salarial. Déjà, il y avait les revenus publicitaires. Les joueurs vont voter oui, même. Les joueurs, s'il y aurait le choix, ils voteraient oui. Non, sûr, mais les joueurs. Ouais, mais c'est pas. Revenus des organisations. Les organisations, un Original Six, tu veux pas comme. Non, mais c'est ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les six devraient pas avoir le droit. Il devrait même pas avoir le droit. Il y a un droit à qui? Tu touches pas un jersey. Les six devraient pas avoir le droit. Premièrement, c'est des équipes qui font assez d'argent. Je peux comprendre les Panthers, là, comme... OK, on l'a tout entendu, Bonneux Brunet a dit la même style d'opinion au dernier match préparatoire. J'aimerais qu'on ne cède pas Bonneux Brunet. Mais je m'excuse, mais on partage la même opinion que Benoît Brunet à soir. Fait qu'on peut tous se sentir mal. Lui, il disait ça. Les Panthers, toutes les autres équipes, comme Phoenix, peuvent tout mettre ce qu'ils veulent, mais l'Original Six ne devrait pas toucher à ça. Des Blackhawks, on veut pas voir Verizon. Non, mais Alex, quand même, le Bonneux Brunet, il faut quand même y en donner un peu, là. Pauvre petit homme. Ben, tu sais. Un autre règlement. Benny Brunette. Duquel on a parlé dans le post-mortem, je pense. Post-mortem. Le dégagement hybride. Ouais, pour de vrai. Le dégagement hybride qui a été mis à l'essai pendant les matchs préparatoires. Puis c'est les joueurs qui votent là-dessus si on garde. On était tous d'accord. J'ai écouté le post-mortem puis on a voté là-dessus. Tout le monde voulait le dégagement hybride. D'accord. Pour éviter les blessures. Encore d'accord? Moi, je suis plus d'accord. Non, toujours. Je suis encore d'accord. J'aime pas ça. Non? Ouais. Moi, pour de vrai, ça me gosse un peu que la puck arrive, puis le joueur il patine, puis là, ah oh oui, ok, là il cadre, dégage. Je trouve qu'on perd une couple de secondes. Puis pour de vrai, dans une game, mettons, qui est vraiment proche, tu sais, je veux dire, on perd tout le temps une couple de secondes. Mais c'est parce que tu perds une couple donne, de shot et tout, de cheap shot, man. Oh, non, ok, ouais, oui, allez, ça protège les joueurs, mais vrai. Justement. Vraiment. C'est qui? C'est Marc Denis, justement, qui disait ça à RDS, qu'il a parlé à des joueurs, puis la plupart des joueurs, ils n'aiment pas ça non plus. Ah ouais? Ah ouais, puis c'est ça qu'ils disent qu'ils vont voter non. Mais ça, moi, je pense pas que ça va rester. On va voir si ça va passer pour la saison. J'étais un gars qui était pauvre, mais je trouve ça, je veux pas laisser une décision encore dans les mains de l'arbitre, puis ça me gosse que la porte arrive, puis le gars est dans le milieu de la zone, puis il siffle. Moi, c'est comme Chris, peut-être s'il y avait plus deux secondes, ça rentre, mais veut pas deux secondes, ça peut faire une différence à la fin du match qui est égale qu'il enlève le goaler. Moi, je suis pas prêt à passer. Sérieusement, en tant que fan de hockey, moi, je me considère de quelqu'un qui est assez conservateur. Puis la NHL, c'est connu que la business est conservatrice. Si on parle des changements. Puis moi, je me considère comme quelqu'un qui aime pas tant les changements que ça. Je pensais que j'étais autant pour les fights, en tant que. Mais ça, pour vrai, le dégagement hybride, là. Je pensais qu'il était. Moi, je suis. Sérieusement, ben là, on pourra revenir là-dessus probablement. Ce que je me dis, c'est que le style dégagement, là, souvent, La plupart du temps, qu'est-ce qui arrive? Il se passe absolument rien. Ouais, mais en même temps, c'est là qu'on voit que c'est la décision du joueur. Blessure, quelqu'un qui arrive. C'est la décision du joueur. Parce que là, les refs, ils callent, OK, comme deux pénalités. OK, icing. Mais les deux joueurs, il y en a un au sein de mise en jeu. L'autre est juste un peu en arrière. Puis il callent tout de suite parce que le joueur, c'est le premier qui est rentré. Ah, mais là, on voit que si un gars décide de blesser un autre gars, c'est parce que le joueur qui est en arrière, il a décidé de le frapper. On voit que c'est la faute des joueurs, là, parce que l'arbitre, il suit le même règlement qu'avant. Il voit qu'il va gagner la course, il siffle, c'est fini. Mais il voyait avant qu'il était pour gagner la course, mais c'est juste le gars en arrière qui décide de rentrer en même temps. Fait que, parce que s'il y a une course, présentement, ils vont faire la même affaire. Alex, quand tu sais que tu vas te faire rentrer... Quand tu sais que tu vas te faire rentrer, tu te places pas de la même façon sur la glace. Ça se peut que tu te contentes. Okay. Tu te concentres Dernière opinion. Fait que tout le monde... Ben, notre opinion va... pour rien avoir à faire parce que c'est les joueurs qui vont voter en bout de ligne sur le règlement, mais chacun, qu'est-ce que vous en pensez, Dave? Faisons. Ou on est voté anti-horaire, Martin? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je pense que c'est une bonne affaire parce que justement, on va éviter des blessures puis des cas, des situations où ce que le gars veut geler le gars dans la bande pour aller ramasser une puck ou des blessures genre de skidder dans la bande. Là, les gars, des fois, ils arrivent tellement full pin. Ils veulent tellement pogner à la puck. Ils se scrapent pas un hostie dégagement qui gagne même pas. Alex? Ouais, moi, c'est ça, justement, avec ton point, c'est que si jamais il y a une course que les gars, les deux sont égales, mais le ref va le laisser aller, fait que la blessure va arriver quand même, parce que le gars qui va arriver juste une fraction de seconde après va frapper le gars. Puis si c'est trop loin un de l'autre, là, il call le icing. Je pense pas que ça va éviter des blessures. Dave? Peut-être, mais en même temps, je pense que dans la majeure partie des cas, le offside, il n'aura pas lieu. Il y a rien qui se passe dans un esti dégagement refusé. La majeure partie du temps, il n'y a rien qui se passe. Oh Dave, Alex veut continuer, mais on va l'arrêter là-dessus. Parce qu'il y a encore d'autres nouveaux règlements, dont le casque avec la visière cette année, qui est obligatoire. Si j'ai bien lu. Non, pour les recrues seulement. Ah, pour les recrues, ok, ouais, il manquait un détail. Ouais, c'est ça qui arrive. Les nouveaux joueurs qui arrivent dans la Ligue nationale à partir de maintenant. Ça, on n'en parlera pas beaucoup, mais est-ce que pour ou contre nous autres? Non, je m'en colle. Pourquoi ce serait juste les recrues plus que tout le monde? Dans Junior, ils ont toujours porté une visière, ces gars-là. Puis là, d'un coup, ils ont gradué la Ligue nationale, ils l'enlèvent pour avoir la. Ok, ça veut dire que dans une couple d'années, tous les joueurs vont l'avoir. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu comme quand ils ont. C'est un changement progressif. Ils ont enlevé le choix de dire, bon, ben, tu peux mettre un casque. Tu sais, les vétérans, ils avaient le droit d'être. Mais c'est pas, mais c'est pas juste ça. Un bout, c'est que les juniors et les midgets portent tout le temps un casque. Puis après ça, le SI arrivé à la Ligue nationale, ils enlevaient le casque. Ouais. C'est la même affaire présentement. Aujourd'hui, tous les juniors midgets, ils ont une visière. Puis ils ont une visière dans l'air. Ben, c'est parce que l'affaire de la visière aussi, ça affiche quel type de joueur que t'es. Un joueur qui porte pas une visière, c'est parce que t'es un joueur. Encore là, c'est là, je suis tough. Fait que là, le jeune, il arrive, il faut que j'aie l'air tough, il enlève la visière. Parce que là, il faut qu'il ait l'air tough. Pas sérieusement, parce que quelqu'un qui va être plus porté à dropper les gants. Ok, ça a changé. Là, aujourd'hui, ça a changé, mais quelqu'un qui était plus porté à dropper les gants, c'était quelqu'un qui était vu comme un pussy, quelqu'un qui se met une visière. Ouais, tu parles des années 90. C'est encore comme ça. Tous les bons vieux batailleurs, ils ont pas de visière, je te le donne. Quand t'arrives, un Chris Neal, tu peux pas arriver avec Chris Neal et une visière, tu comprends? Non, mais c'est pour ça que les rejoueurs Star vont tous l'avoir. Non, mais c'est ça. Ça va être égal à tout le monde. Entre toi et partir le casse de l'autre. C'est correct, mais je veux juste expliquer comme que la visière, dans le fond, là, c'est pour montrer quel genre de joueur que je suis. Moi, je suis un Stone Cold. Si je mets pas ma visière. Mais là, à cette heure, les batailleurs vont avoir les visières. Mais Alex, comme, mais les batailleurs. Par rapport à ce que tu as dit, à cette heure, je pense que dans le règlement, c'est que tu n'as plus le droit d'enlever ton casque. Ok, mais ça m'amène à mon autre point. Dans un combat. C'est pour les bagarres, et puis on n'a plus le droit. T'as 2 minutes supplémentaires si t'enlèves ton casque pendant une bataille. Avez-vous vu le combat? Il y a du monde qui ont passé par-dessus qui sont enlevés mutuellement leur casque. Ça a juste été contourné de façon rapide. Encore un casque. Je vais te l'enlever, moi. La question, en fait, le point de ce nouveau règlement-là, c'est pour éviter les blessures, encore une fois, du monde qui tombe à terre après avoir reçu un point dans la face. Non, mais sérieusement... Tu vas te blesser en frappant sur un casque. Ben, tu veux te péter la main ou avoir une commotion en tombant sur la glace? Non, t'as peu. Le règlement, moi, je pense que le règlement, en arrière de ça, c'est que la Ligue nationale n'est pas dans un freak show. Ouais. Que les deux gars, ils se rencontrent, puis que les deux droppent le casque. Puis qui font comme de ça. Ouais, avec les deux, ça spontané. Il faut que ça ait l'air comme, regarde, tu le perds ton casque parce que t'as eu un punch, le casque. Non, toi, les gars, ça l'arrache. Pas attaché, il s'enlève le casque, whatever. Tu sais. Mais je veux dire, le casque, je pense que c'est juste pour pas que ça ait l'air d'un freak show. Ça ait l'air d'un cirque. Ouais. That's it. Tu sais, pis c'est correct. Parce que je veux dire, moi, t'as une visière, je vais te dropper. That's it. Dernier règlement. Maintenant, il y a un 4 minutes de pénalité pour bâton élevé qui est sujet à la reprise vidéo. Ben ça, c'est pas adapté encore, ça, c'est encore... Ben, c'est pas adapté. T'es sûr? Je pense que j'ai vu que ça a passé. Ils veulent pas le faire, mais ils veulent moi, j'ai pas entendu parler de ça. Non, c'est quoi j'ai dit, le 4 minutes? Ça, c'était une règle qui était... Le bâton élevé est maintenant sujet à reprise vidéo. Non, mais juste dans le cas d'un 4 minutes. Non, ils feront pas. Quand il y a 4 minutes, toi, non? Ils voulaient pas arrêter, mais bon, ben regarde, ça règle le cas. C'est vague, là, pareil, et tout. Ouais, ils voulaient le faire, mais c'est une bonne idée, parce qu'il y en a tellement qui fake, puis après ça, qui se montre dans le jeu, ou qui essaie de se faire. Ils se pognent la face, puis ils essaient de se faire. Blade comme à la lutte, avec une flamme, là. Presque. Non, ça commence à être Pour empêcher ça. Tu le vois pas, mais il enlève vite fait un patin. Là. Ben ouais, il se coupe la face. C'était fait pour empêcher ça, mais ils ont décidé pas le faire. Fait que c'était les nouveaux règlements pour cette année. Puis il y a une nouvelle chose aussi, c'est qu'il y a des nouvelles divisions cette année. Hey, ça a été juste une parenthèse. Vas-y donc, Marc. Le jersey dans les culottes. Ouais. Ça, c'est un règlement, si je ne me trompe pas, qui date des années 60. Là. C'est juste qu'il l'appliquait pas. C'est juste qu'il l'appliquait pas. Puis il y a un autre règlement aussi qui est passé. Puis t'as Phil Kessel de Toronto qui coupe ses culottes de hockey en arrière là, pour avoir les plus longues strides quand il patine. Okay. Puis t'as plus le droit de modifier une culotte de hockey non plus. Fait que c'est comme une modification d'une forme. T'as plus dans ta tête. Ouais, ça, ouais. Non, c'est pas ça. C'est parce que tes culottes, genre quand t'es coupes, tes ouvres en arrière, lui, là, tu remarques là, il est comme. C'est choppé en arrière. Fait qu'il peut comme. Il peut comme faire des plus longues en arrière. Je regarde le cul toute la game. Ben non, c'est mettons l'entrée. Écoute, Alex, si tu veux regarder le cul des joueurs pendant la game, c'est ton affaire. On jugera pas. De toute façon, cette année, modifier les culottes de hockey sont interdites aussi. Ben voilà, ça fait le tour des règlements. Et voilà. Cette information complémentaire. Et comme je disais, il y avait des nouvelles divisions cette année aussi. Les Red Wings qui sont rendus dans l'Est. Yeah! Ben ça, c'est content, man! Dans le fond, ouais, dans le fond là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait... Ils ont fait, bon, ben, encore deux conférences comme avant. Ouais, mais notre conférence, on a plus d'équipes. Tu vas avoir juste deux divisions par conférence à la place de quatre. Puis on a plus d'équipes dans notre conférence. À la place de trois. Trois? Ouais, c'est sur trois. Fait que là, il y en a juste deux. Mais là, ce qui compte, c'est 16-14. C'est qu'il y a 16-14. Fait que ouais. Ça veut dire que tu as moins de chances de faire les séries dans l'Est que dans l'Ouest. Mais moi, ça, je trouve. C'est 50% contre genre 57, presque 60% de l'autre bord. Il y a quand même une bonne différence. Ouais, fait que c'est quoi que ça nous prend? Une expansion avec les Nordiques. Ouais, 32-32. Nordic Nation! Alors, t'as besoin d'avoir genre le genre comme 15-15 ou. Ah, ça, c'est ça, là. Ouais, je suis. Non, non, mais 50, tu peux pas faire 15-15 parce que. Non, ouais, tu peux. Ouais, t'as rien qu'à pas mouver les astis de Blue Jackets qui sont dans la même crise de conférence. Ouais, mais ils sont dans la même conférence depuis, genre, qui sont arrivés dans la ligue nationale. Ouais, mais ça, c'est les voyages en avion. Là, quand c'est comme les Bengs qui sont dans l'Est, ça fait 12 ans qu'ils sont là. Mais... Ouais, mais c'est parce que c'est vraiment le temps de voyagement. Parce que dans l'Ouest, okay, là, tant qu'à ça, le Chicago pourrait être aussi dans l'Est que dans l'Ouest. Mais donne-nous les divisions. Mais j'ai quand même l'impression que les Red Wings vont tout arracher dans l'Est. Moi, là, c'est la division métropolitaine. Non, tu penses pas qu'ils vont dominer dans l'Est? Non. Ils sont forts, les Red Wings. Ils sont encore les Red Wings. Question en stats, est-ce que les Red Wings sont encore aussi forts que d'une couple d'années quand ils dominaient vraiment tout le monde? Les Red Wings sont présentement. Les Red Wings vont être très intéressants. Moi, je dis un peu moins. Ils sont encore dans le top. Pour l'instant, ils sont en train de réduire un peu, mais ils ont des bons prospects à venir. Ouais, c'est ça. C'est une équipe qui les Red Wings, là, ils ont tout ils vont baisser, je pense, dans les prochaines années pour remonter. Même si la ville est en faillite, là. Mais anyway, Association de l'Est, on a la division Atlantique. Donc, ça inclut les Bruins, les Sabres, Détroit, les Panthers, les Canadiens, les Sénateurs, le Lightning et les Maple Leafs. Ah, les Maple Leafs. On va voir qu'on enlève. Il n'y a pas un Panthers? Ok, t'as-tu peu? Les Panthers, ah, les Panthers, c'est genre la seule équipe qui n'est pas dangereuse dans cette division. Mais non. Ben, présentement, les Sabres sont bons. Les Panthers qui ont refusé de signer un contrat à José Théodore pour signer Tim Thomas à la place. Oui. Théodore s'en va dans le cache. Présentement, dans notre division, le Lightning, les Panthers et les Sabres, c'est pas des équipes qui sont nécessairement potentiellement dangereuses. Après ça, c'est les Sabres, tapeux. Non, pas là. Un goal, hein? Ah, ton John Scott, là. Tu l'aimes tellement, John Scott. D'après moi, il fait gagner la coupe, lui. Ouais. Moi, t'as que c'est pas Bruce Boudreau. Hey, division métropolitaine. T'es correct. Division métropolaine. Les Hurricanes. Métropolitaine. Je lis ce qui est marqué dans ton astuce de revue, man. Hey, c'est OK, le magazine, respect. Les Hurricanes. Les Blue Jackets. Les Devils, les Islanders, les Rangers, les Flyers, Penguins, Capitals. Hey, Chris, ils ont la division facile. Okay, c'est West, la division scoreur. Dans l'Ouest maintenant. Division centrale. Blackhawks, Avalanche, Stars, Wild. Les Stars avec un nouveau logo. Ah, je sais. Il est mieux qu'avant. Je l'aime pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le logo des baskets. Le D, il n'a pas rapport avec l'étoile autour. C'est vraiment basketball. Je ne trouve pas si fait, moi, tu vois. Wild, Predator, Blues, Jets. Blues cette année. Les Blues, c'est un bon cas. À voir. Pacifique, disons Pacifique. Ducks, Coyotes, Flames, Oilers, Kings, Sharks, Canucks. Pendant qu'on parle des Ducks, Selanny a dit que c'était sa dernière année où il revenait pour une dernière année. Ben Alex, c'est la dernière année. C'est l'année. Non, il a jamais dit. Chaque année, ça fait 3 ans, je pense que c'est l'année. Non, mais tant que Koivu va être là. Il y avait une vidéo, c'est l'année cette année, pour dire qu'il revenait. Ben, il fait tous les années. C'est l'année, 3 ans qu'il fait ça. Il fait des genres de vidéos gag un peu. Là. Ouais. C'est du PR, ça. C'est simplement du PR. Ça fait 3 ans qu'il dit qu'il va. Ben, c'est parce que. Koivu, man, il convainc les années. Sérieusement, là, c'est l'année, c'est comme un des meilleurs gars de la Ligue nationale. Je veux dire, en tant que personne, c'est comme. Il a l'air vraiment. C'est le récipiendaire du prochain Lady Binks, c'est ça que tu veux dire? Bon, Ouais, il va gagner le trophée de Lady Bing. Il est en liste pour le Lady Bing, selon nous, cette année. C'est l'année, c'est le team player. Aussi, il finit en liste. Pour le dernier 2 minutes de la Nick Jagger. Ah, les deux sont finis, man. Pour le dernier 2 minutes de la période, les gars, j'aimerais qu'on... Oui? Vas-y donc. Antilani puis Jagger, Alex, Frankie. Oh! Il va prendre Lucic. Bon call, Jeff. Il reste 2 minutes. Je pense que je prends Selanne. Les gars, je prends Selanne et tout. Quel sont... avec qui? Ok, Doc, ça se tue. Quel allié? Quelles sont vos prédictions pour le classement cette année avec les Canadiens? Réja Tremblay, je pense qu'il a dit que les Canadiens ne faisaient pas les séries. Moi, je pense que le Canadien ferait... L'année passée, Réja Tremblay a dit que le Canadien finirait dans le top 4. Puis le Canadien a fait le top 4, puis il a eu raison. Il a eu raison. Mais en même temps, il écrit dans ses comptes, fait qu'il faut faire attention. Non, mais ça veut dire qu'il connaît un coup de luck, ça peut arriver. Il a eu raison d'une game, genre d'une saison de 42 matchs. C'est ça. Fait que vu que c'est le top, il n'a pas passé les fêtes. Une minute, j'aimerais qu'on vote chacun. Est-ce que, est-ce que les Canadiens vont faire les séries? Moi, vas-y. Écoute, Montréal, s'ils font. Si oui, je donne 9e, moi, Chris. Ouais. Ils vont battre contre Toronto à la fin par un point. Exact. Ouais. Alex? Oui. Dave, je suis mais je suis confiant. Je pense que Alex avait dit. Mais je suis comme oui, mais je suis comme. Ils pourraient finir 7e, ils pourraient finir 9e. Comme, mais je peux pas le dire. Ils vont finir. C'est vous ou non? Dave? Je sais pas. Moi, là, sérieusement, là, je trouve ça poche de prononcer avant qu'il y ait un asti de game. Je sais, mais c'est comme ça, vas-y. Nos pronostics. Je peux pas dire que le Canadien fera pas ici. Asti de politicien, man. Mais. Dave la joue ça. Asti de Nicodard. Asti de Codard. Exactement. Moi, de la les poches pleines. Hey, Dave. Ah non, mais tu vas te faire fermer ta gueule. Dave, c'est pas hey, Dave, c'est pas cassette qu'on va entendre, là. C'est pas cassette. On veut ta position, Dave. Ils vont faire les séries ou pas? Moi, s'ils font une série, ça va être... Ah, oh, si, la cassette, man! On n'a pas le droit de parler par l'instant. Martin, 2 minutes mais de pénalité, obstruction. Ben là, Chris, il joue à cassette. Mais oh, mais quand j'avais pas le temps de dire un mot... T'as vu, je l'apparais, ça finit. Ah, mais tu commences à... Voilà. Dave, finis ton point quand même. S'ils font une série, ça va être entre la 6 et la 8, d'après moi. Un peu comme mon choix, je pense que les Canadiens vont finir 6e ou 7e. Si, la cassette, si! C'est son choix, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Hey, il a dit pas mal avant l'affaire qu'à moi, mais à part une position plus haute. Écoutez, les gars, on n'ira pas en. T'as dit entre 7 et 9, toi, je pense. Non, c'est moi qui ai dit 7 et 9. Lui, il a dit 9. Il a dit qu'il ne ferait pas. Moi, 7 et 9. Moi, j'ai dit qu'il ne ferait pas. C'est 8. Ah, moi, je pense. Non, mais je veux juste dire par là que. Awesome. Le Canadien fait série cette année, c'est... je les vois pas en haut de ça. Okay. C'est juste ça que je veux dire, dans le fond. Good. Ok, je me ravise. Ok, Martin, je me ravise. Moi, ben, le Canadien ne sera pas avant la 6e, moi, c'est mon choix arrêté. 6e. Ouais, on va faire les séries, mais on ne sera pas dans le top 6. S'ils font les séries, ça ne sera pas avant la 6e. Tu penses que le top qui va arriver, c'est le 6. C'est le maximum qu'ils peuvent faire, je pense, c'est 6 cette année. On peut être sûr. C'est ça que je veux dire! Hey, pis c'est ça, pis ce que je veux dire. Toi, il ferme ta gueule! J'espère me tromper, hostie. Je vais vous dire ce qui va arriver, les gars. J'espère me tromper. Pendant les premiers 42 matchs, les Canadiens vont monter jusque dans le top 4. On va capoter. Et pour ça, ils vont chuter jusque dans le top 8. Exact. Ça, c'est ce que je pense. Et mais on va réagir de la même façon que tout le monde à chaque année. Ça, ça arrive à chaque année. Montréal, au fait, sont dégueulasses. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que s'ils font les séries, ça ne sera pas avant cette position-là. Parce que le Canadien, c'est le genre d'équipe à partir en fou. Monter comme bien des points au début de la saison. Puis justement, on allait leur baisser. Fait que... Pour faire les séries, il faut qu'ils en fassent beaucoup avant les faire. On avait compris la première fois. Ouais, mais Alex, je voulais le briser pour moi parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à comprendre. Ça ne rentre pas. Non, non, mais. Il y a quoi qui se passe entre les deux oreilles, mais. Ça rentre très bien, c'est pour ça que j'ai dit classé 9. Finis ça, mon GM. On n'ira pas en overtime parce qu'il reste pas assez de sujets, mais j'ai quand même quelques points. Fait que je propose qu'on fasse des tirs de barrage avec ces points-là qui me restent. Donc, chacun émet une opinion sur le sujet qui va rester pour les tirs de barrage. Bam, bam, bam. Êtes-vous prêts, messieurs? Boum, boum, boum, boum, boum. Il y a des choses qu'on n'aura rien à dire parce que c'est juste des facts ou des trucs de gazette, mais jamais qu'on revienne sur quelque chose que j'ai dit tantôt. Mario Tremblay a arrêté pour ivresse au volant. Ben, pauvre gars. C'est bien fait pogner. Félicitations. Il s'est fait pogner. Moi, je te supporte là-dedans, j'espère que c'est un contesté de soit gagné. Ça a l'air chier à la peine. Ça a l'air chaud. Qui arrête de conduire chaud? Ça a l'air chaud. Qui l'a jamais fait? L'a jamais fait? La soirée du podcast, ça se dégage de tout commentaire émis par Alex Galipo. Non, mais ben, une fois de temps en temps. Ça a l'air chaud, fait un Toyota Benza, tu sais. Non, Mario Tremblay, prends rétablissement. Non, mais les gars, faudrait qu'on supporte tout. À qui c'est jamais arrivé de conduire chaud? Alex, donne pas des mauvais exemples à la jeunesse qui nous écoute. On sent tout masque. Ah, fuck, c'est vite pogné. Moi, la dernière fois, j'étais chanceux. Dans les choses qui se sont passées. Chez vous, t'es fier. Dans les choses qui sont passées cet été, okay. Patrick Roy est devenu l'entraîneur de l'Avalanche du Colorado. Good for him. Opinion là-dessus? Hein? Good for him. Opinion sur Patrick Roy. On parle de Patrick Roy qui est devenu Avalanche. Patrick! Je souhaite tous les succès qu'il mérite. Ben, je sais pas si. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Je sais pas s'il est plus populaire que son garçon. Oh, Jonathan Roy. Moi, je pense que ça va être un bon coach. Carrière dans la chanson. Ça va être un bon coach vu que c'est une équipe jeune. Ça, c'est les pires, tu sais. Sérieusement, là, Patrick Roy, dans la Ligue nationale, cette année, ça va être écœurant. Ouais, il va être comme Guy Boucher. On va voir des jeunes. Ça va être un Guy Boucher. S'il y avait eu une équipe de vétérans, il n'aurait pas pu gueuler comme il va gueuler et défoncer les portes comme il va faire. C'est la première fois que je vois des tirs de barrage que tout le monde tire en même temps. J'ai vraiment hâte de voir Patrick Roy cette année. Deux conversations. Il devrait être intéressant à voir derrière le banc. Effectivement. OK, on y va avec une autre ronde de tir de barrage. Jacques Martin, qui devient l'entraîneur adjoint des Penguins de Pittsburgh. Oh, l'homme de paille. L'homme de paille, l'homme de fer, l'homme sans l'homme expression. Je manque d'argent, je vais prendre n'importe quel job. Moi, ça, ça me dit. Who gives a fuck? Qu'est-ce qu'on va faire? Un adjoint. Hey Alex, je t'annonce que moi ici. Who gives a fuck? Il va être là. Ben, il va faire du sifflet pendant la pratique. Jacques Martin nous a fait éliminer les Capitals de Washington. Bon. Ouais, il était bon pendant l'année qu'il était là. Mort. Non, OK. Il y a un système de jeu complètement. Il y a une Phoenix pour éliminer Washington. Il nous a fait d'un jeu dégueulasse. Mais sais-tu quoi? Ça a marché. Il nous a fait éliminer les Capitals puis les Pingouins. Mais t'es pas capable de donner du crédit à Stephen White pour ce qu'il pourrait faire avec Price. Mais tu dis que le coach canadien les a fait se mettre là. Arrête, c'est parce que Price, c'est jamais un sur lui, man. C'était même pas du goût, là, c'était à l'air. Il me reste trois petits points, messieurs. Puis c'est trois affaires vraiment légères. François Gagnon, l'homme au danger, on est rendu 100% RDS. Je m'excuse, je l'ai vu live au Centre Bell en arrière de moi pendant qu'il faisait un film d'un topo. Il risque qu'il est dans le jaune. Ce gars-là a dû fumer des paquets de clubs dans sa vie, ça a pas d'allure. Ouais, mais bon, bref, mon point, c'est qu'il est 100% RDS maintenant. Oh, wow, quel gars inutile, man! L'homme au dent, genre! Il est inutile, man! Là, dans le fond, tu veux qu'on le fasse. Mon point, c'est pas ça, c'est que maintenant, il est 100% RDS. Good for him. Renaud Lavoie est parti. On l'a parti? Renaud Lavoie est parti! Oui. Renaud Lavoie est parti de RDS, on a perdu. Ben vu qu'on en parle, Renaud Lavoie est rendu à TVA Sport. Moi, ce que je trouve malade, c'est justement qu'il soit à TVA Sport. Il est parti pour un cash, man. Ça dit, ben oui, c'est clair. Peux-tu même donner la notoriété à notre boss? Je te donne 45 millions, man. Moi, j'en perds 200. Je pense pas qu'il y en a rien qui est pour vrai, de toute façon, RDS, je veux dire, c'est comme si c'est la station TV dégueulasse qui présente le Canadien d'attitude, là. RDS, on s'en calisse, là. Ah, toi, t'es un gars de Radio-Canada. Non, Hockey Night in Canada. C'est un puriste, Don Cherry. Alors, RDS, c'est poche, hostie. C'est correct. Avec les hosties de plateau de panier. Ah, c'est poche. Moi, je trouve ça poche. La 5 à 7, c'est correct. Là, tu chambres, it's okay, mais c'est mieux que si l'affaire TVA Sport. Faudrait la chambre est bien meilleure que l'émission TVA Sport. Excuse-moi, Québécois. Là, mais... Deux dernières nouvelles, dont une qui n'est pas importante, mais on va en parler. Bonne fête, Guy Lafleur, 62 ans, Flower, cette année. Dis-le pas, quoi. Un autre Le restaurant. Ouais, mais tu sais, Guy Lafleur a une grosse carrière. Quand même. Mais là, Guy Lafleur a une grosse carrière, mais il a quand même son garçon Marc, tu sais. OK, puis dernière affaire, puis là, je sais qu'on pourrait s'emporter, puis je sais qu'Alex et Mart sont pas d'accord sur cette nouvelle-là, mais... Non, man, hostie, mais nous pas un fight. Les Oilers d'Edmonton qui retirent les anciennes photos des victoires pour que les jeunes fassent leur propre histoire. Fait qu'ils enlèvent tous les anciens trucs par rapport aux Coupes Stanley des Oilers, puis tout, l'air Gretzky. Puis Toronto pense faire la même chose, enlever tout ce qu'il y a pour que les jeunes réécrivent l'histoire du club. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Martin. Moi, je suis vraiment pour ça. Faisons notre chambre. OK, les traditions sont importantes, tout ça, mais je veux dire, on vit plus genre en... C'est genre 1960, mais 1970, ferais-tu ça à travers la ligue? Dynastie, c'est fini. Il n'y a plus de dynastie. Fait que t'enlèverais ça, ça, 15 ans. Ça à Montréal? J'enlèverais ça. Non, écoute, j'enlève. Je garde un spot pour ça. Pourquoi? OK? Je garde un spot pour ça. Mais dans le vestiaire, moi, je te parle dans le vestiaire. Non, parce que c'est dans la pression. Dans le vestiaire canadien, toutes les photos des grands sont là avec le fameux quote. Ouais, mais c'est quoi que ça lui donne? Check. C'est quoi ça a donné? Ça montre une drague d'équipe, mais ça montre une culture Alex, qu'est-ce que ça a donné des 20 dernières années? C'est pas grave, ça. Fuck God. Les joueurs des Yankees qui agrandent en salle d'affaires vont être Brad Roof. C'est-tu la raison? C'est la raison des enlevés, c'est que ça a donné fuck God? La raison des enlevés, c'est que cette équipe-là a besoin de se bâtir eux autres mêmes. Ouais, okay. On n'a pas besoin de vivre dans l'ombre. Tu sais pourquoi l'équipe tu viens dans l'ombre de ceux qui ont gagné tendant que la game n'était pas la même. Non, tu sais pourquoi c'était pas les, pareil. Les joueurs ne gagnaient pas des millions. Il faut qu'ils bâtissent leur chambre. Okay, ça marche pour les Oilers, ça, mais est-ce que tu le ferais pour toutes les équipes de la Ligue, par exemple? Excuse-moi, mais les Oilers ont eu une des plus belles dynasties. Je sais, mais le ferais-tu? Ferais-tu ça pour le Canadien aussi? On avrait-tu les photos pour le Canadien? C'est 5 toi pour Stanley. Ben, il y en a gagné 5. Il y en a gagné 5. Pas 5 une après l'autre. Edmonton. Edmonton a gagné 5. Edmonton a gagné comme 4. Puis les Islanders sont une dynastie. Dynastie Islanders, mais les Oilers. Alex, tu l'enlèves pas toi? Je l'enlève pas. Moi, c'est l'identité de l'équipe. Attendez, le ferais-tu ailleurs dans la ligue ou juste pour les Oilers? Je le ferais, sérieusement, je le ferais partout où ce que ça peut nuire à une équipe. Les gars, les joueurs doivent gagner leur chambre, imposer leur personnalité dans leur chambre. Mais pas la personnalité de Maurice Richard qui jouait dans une autre équipe qui était comme complètement un autre époque. C'est un bon point. Alex, ton point, tu t'es garde, toi? Oui, parce que c'est l'identité de l'équipe. Ça te rappelle pour qui tu viens jouer, qu'est-ce que tu fais ici, qu'on a déjà été des champions puis qu'on veut l'être encore. Dave? Ben moi je pense pas mal comme Alex et je me dis que je vois pas où le mal est de les avoir. Je suis d'accord sur le point à mort de faire leur identité, mais je pense pas que de les enlever, ça t'empêche de faire ton identité. Ouais. C'est comme les banderoles au plafond. Pourquoi tu penses que toutes les estis d'équipe ils mettent ça, même s'ils ont été champions de division? Je regardais la game des Sénateurs, là. Deux banderoles. Champion de division 2001, champion de division 2007. Ça voudrait. Nous autres, à Montréal, il n'y en a pas de banderole de champion de division. C'est la Coupe Stanley ou c'est rien. Pour moi, c'est comme d'enlever toute l'identité justement à l'équipe. Non, mais attends, c'est d'enlever ce que cette équipe-là a fait. Ça veut dire que c'est comme si tu disais un peu chaque chose que tu as faite à chaque année, c'est pas ça vraiment important. Ouais, mais attends un peu, Dave. J'enlèverai jamais les banderoles du Centre Bell. C'est la même affaire. Quand tu vois la photo de Maurice Richard, je te dis, joue comme lui, fais comme lui. Ici, c'est lui. Penses-tu vraiment, Alex, qu'en 2013, pour un Européen, la photo de Maurice Richard représente de quoi, par exemple? Je pense que s'il connaît le hockey, oui. Je pense que oui. S'il connaît le hockey, man. Excusez les gars, là. Demande à n'importe quel joueur de la Ligue nationale, c'est qui Maurice Richard. Je suis pas mal sûr qu'ils savent. C'est qui. Peu importe où c'est qu'il vient. Ben oui, mais ils savent un peu. Mais les gars, là, quand tu... OK, un gars qui signe à Montréal, un nouveau joueur qui arrive, là. On parle pas. Plein de talent. Attends un peu, je te fais juste une analogie, OK? Un joueur plein de talent qui arrive à Montréal. Ah ouais, Montréal, une grosse histoire. Il cite la poutine, man, ils te le disent, là. Ah, mais imagine-toi que t'as le beau joueur du Canadien. Tu rentres dans le vestiaire du Canadien et tu veux toute la photo des gars. Ça va tes meufs. Les gars qui arrivent à Montréal, Alex, le monde qui arrive à Montréal, ils disent tout la même affaire aux médias. Oui, Montréal, c'est une grande équipe, c'est une grosse équipe. Ils rentrent, sont impressionnés par le vestiaire. Mais il n'y en a pas un hostie qui performe. Mais c'est quoi? On n'en gagne pas des Coupes Stanley avec des speeds jamais. Mais je pense que c'est pas grave. Le speed, jamais, il ne fait pas gagner. Moi, je peux juste te dire que l'influence que le vestiaire du Canadien a avec ses photos. Ok. Non, mais pour vrai. Mais ok. Mais je peux juste te dire que qu'est-ce que le vestiaire dégage n'a jamais permis aux Canadiens de gagner une Coupe Stanley avec ça. C'est Patrick Roy qui a permis de gagner une Coupe Stanley avec les Canadiens. Ça l'aurait pas empêché. Tu dis peut-être qu'il a vu la photo et il a dit Chris Ken Dryden. Avec son nez, Charles Plant. C'est encore de Ken Dryden. C'est les drivers qui ont gagné. Moi, je suis. Ce qui est vraiment, vraiment bien avec ce podcast-ci, c'est que j'ai vraiment aucun contrôle sur la structure et j'adore ça. On essaye, mais on n'est pas capable. Et puis ça fait le tour, je pense. Quand est-ce aussi qu'un vestiaire a scoré des buts? Hey, ben, ça fait le tour de mes points pour ce premier épisode de pré-saison de la soirée du podcast. Donne le moment d'avoir quelque chose à dire. Ouais, tu conclures, tu as un point à faire sur quelque chose? Ouais, ma première étoile, je donne à c'est quand la dernière fois qu'un vestiaire a scoré un but? Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ah, si, tout vous casser, on sait plus quoi dire, pour vrai, là. Ben, ça fait le tour de ce premier podcast de la saison. En fait, la pré-saison, un peu, saison qui va commencer imminemment, dans 3 jours, pour nous, présentement. On se revoit dans 2 semaines, nous autres. Marc dans Chris enlève ses écouteurs, là. Ah, ben, puis Marc, kick la pièce, ça y est. Kick la caisse de bière, kick l'ordi. Pitch un maracas. Okay. Quelle fin des ordres de mort. À la prochaine, tout le monde. Non, non, mais juste dire avant de terminer, généralement, on aura juste le samedi. Puis là, dans 2 semaines, le 11 octobre, on va enregistrer notre épisode 2. Parce que moi, je vais être... merci, Marc, pour cette beau beat. Le lendemain, le 12, donc, je serai au podcast All-Star avec les gars des Trous Nouveaux pour parler de podcasting, avec les mystérieuses donnants et toute cette belle gang de podcasteurs du Québec. Et je vais essayer de capter une passe et de scorer en parlant de la soirée du podcast à cette belle gang-là. Moi, je vais être là le 11 aussi. Ouais, donc le 11... David, sur le site. Le 11 quoi? Le 11 octobre. Le 32. La prochaine épisode. Oui. Dans 2 semaines. Marc, seras-tu là? Non, moi, c'est... ben, Marc, c'est fini. Fini la soirée de Marc a été flaqué. Moi, je suis avec le vestiaire. Marc a été renvoyé aux mineurs. Là. Fait que, ben, on se revoit dans 2 semaines, tout le monde. Merci d'avoir été là pour le premier épisode de la soirée du podcast. Ciao. Yeah. Ciao.